Orléans et à Lille, 15 à Nantes et à Lyon, 16 à Toulouse, 17 à Paris et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Caen, 22 à Chartres, 23 à Lille et à Clermont-Ferrand, 24 à Marseille et à Bordeaux, mais également à Paris, 25 du côté de Nancy, 26 à Lyon et 27 à Strasbourg. Et puis la pollution, c'est mauvais aujourd'hui, les indices sont compris entre 4 et 6, ça monte à 8 sur le nord à Douai, Lille, Lens et Béthune. Et les ultimes négociations hier sur le temps de travail à la SNCF, la CGT et Sudrail maintiennent la grève en attendant les arbitrages de la direction. Septième jour du mouvement consécutif. Le trafic est toujours perturbé, même si c'est mieux qu'hier. Comptez 4 intercités sur 10, 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10. François Hollande appelle d'ailleurs ce matin à cesser la grève dans le quotidien La Voix du Nord. Un fonds d'urgence de plusieurs millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, annonce faite hier par Manuel Valls. On l'a dit dans la météo, la décrue est engagée partout, sauf dans l'Essonne où la prudence reste de mise. L'état de catastrophe naturelle sera décrété demain en Conseil des ministres. Un incendie meurtrier hier soir à Saint-Denis en région parisienne. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 12 blessés, dont 2 graves. Le feu s'est déclaré pour des raisons inconnues dans un immeuble assez récent. Des dizaines de pompiers sont intervenus, dont certains sont toujours sur place. Une partie de la cage d'escalier s'est effondrée, ce qui a rendu les opérations bien plus difficiles. C'est quasiment fait pour Hillary Clinton. Selon la presse américaine, l'ex-secrétaire d'État a enfin le nombre de délégués nécessaire pour être investie par le Parti démocrate. Elle sera peut-être la première femme à diriger les États-Unis. Les 6 derniers États ont voté cette nuit. Reste maintenant à son rival Bernie Sanders de reconnaître sa défaite. Les élections américaines auront lieu en novembre. Elles verront certainement s'affronter donc Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Un nouveau Français, bien connu des fans du Paris Saint-Germain, le Brésilien Rai, dont le nom a résonné au parc dans les années 90, a été naturalisé hier. Il a reçu son décret des mains de François Hollande lors d'une cérémonie à l'Élysée. Le président a estimé que les binationaux enrichissent le pays et contribuent à son rayonnement. Et puis, ne pas pousser le bouchon trop loin, c'est ce que retient David Ginola. 3 semaines après son malaise cardiaque, l'ex-international va mieux. Il doit sa vie entre autres à Giroud. Un massage cardiaque a été prodigué au moment où il s'est effondré. Il continue de se reposer et sera bien sûr M6 pour commenter les matchs de l'Euro. Merci Rémi pour les infos. Merci pour les premières de la journée. Parlant de l'Euro, on aura des places encore à vous filer ce matin. Hier soir, on vous a filé les 8e de finale. Ça y est, on file les 8e. L'écart et on file les gros matchs de l'équipe de France. Et évidemment, tous les matchs près de chez vous. C'est à pas louper, c'est l'Euro et c'est à gagner tout à l'heure. Merci Rémi pour les infos. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Et tout au long de la matinée, les piles 6h du matin. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est le morning de Difool. Morning show en direct sur Skyrock. Et bon réveil à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On est le mardi 7 juin. Bonjour Romano. Bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour Cariole. Bonjour. Et surtout, bonjour à vous qui vous réveillez avec nous là. Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est que vous avez des numéros pour nous joindre le matin, ça va vous servir pour le foot, les places, pour l'écran plat, on vous offre une télé, la télé Samsung, le dernier Samsung à gagner, c'est tout au long de la semaine, on jouera tout à l'heure, tiens je vous le dis, à 7h30 ce matin, Info ou Mytho, le rendez-vous de votre télé Samsung 4K, ouais, tout le ouais, Smart TV connecté, magnifique, on fait pas mieux, c'est la toute dernière hein, qu'on vous file ce matin, on jouera tout à l'heure ensemble. Bon, d'ici là, plein de choses à faire ce matin, le réveil de star du jour, c'est avec une journaliste sportive, on parlait de David Ginola, ben, c'est une des collègues de David Ginola. Bah, c'est Estelle Denis. Mais oui, Estelle Denis qui débarque pour réveiller les familles de France ce matin. Ne touche pas à mon sport. C'est vrai, on a remarqué qu'on manquait un peu de filles dans les réveils de stars. Donc, c'est vrai. Ce matin, on va se faire plaisir. Estelle Denis arrive. Quelles sont les présentatrices télé que vous trouvez les plus sexy? Est-ce qu'Estelle Denis en fait partie? Pour Raymond Domenech, oui. Pour l'ensemble des Français, pas forcément. Pour vous, je sais pas. Tiens, dites-nous, vous nous laissez vos messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock. On en reparle d'ici quelques instants. C'est le réveil de star du jour. Elle arrive, Estelle. La belle. La belle. Rien d'imaginer qu'elle est avec Raymond Domenech. Eh ben, ça me passe l'envie tout de suite. Je sais pas pourquoi. Ça me fait un truc comme ça. C'est peut-être que je suis trop gentil. J'ai envie de lui la laisser. Je crois que c'est ça, ouais. La générosité et le respect de l'amour. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Ils sont toujours ensemble. Très bien. Eh bien, Estelle Denis arrive. Elle va lui faire une petite infidélité ce matin. Elle va réveiller la France d'ici quelques instants. Bon, restez bien dans le coin. Du son à retrouver ce matin. Je vous annonce le nouveau Soprano. Il était hier soir avec nous dans la Radio Libre. Le nouveau son de Soprano arrive. Soprano arrive en concert aussi. Il nous a annoncé une grande date pour lui. Le Stade Vélodrome. Ce sera en 2017. En octobre 2017. Septembre même, fin septembre je crois, pour le stade Vélodrome. C'est pas le 30 d'ailleurs. Ouais, alors attendez, le 30 octobre c'est Bercy et 30 septembre c'est Bercy et début octobre. Le 7 octobre. C'est le stade de France. Voilà, merci ça. Cédric. Non, stade Vélodrome, pas stade de France.

Vélodrome Rap de Soprano au Vélodrome le 7 octobre 2017. C'est un rêve pour lui. Il allait voir des matchs. Maintenant, il investit le Vélodrome, le nouveau stade Vélodrome. Elle déglingue pour Pépé, là, sur SMS du 21. Bonjour à toi, la Bourgogne. Elle claque pour Dams. Bon, ça vous a plu. C'est le nouveau Sopra. Vous pouvez laisser vos messages là toute la matinée au 41-759 ou alors avec l'appli Skyrock. Vous nous envoyez tout ça. Profitez-en. C'est gratuit. On va faire réveil de star maintenant. Le réveil de star avec la belle Estelle. Estelle Denis. Ça va être la fête? Ah oui, ça va être la fête. Oui, ça va être la fête. Bon, Estelle Denis est contente d'être avec nous. Voilà, on a envie de s'éclater autour du sport. Ah bah, exactement. Ah non, on va s'éclater. Ah, oui. Touche pas à mon sport, Estelle. Ah oui, c'est vrai qu'elle est sur D8 maintenant. Ouais, là. Ouais. Estelle Denis, grande réussite. Bonjour à elle. Bonjour. Bonjour, bonjour Estelle. Elle est sympa, cette Estelle Denis. Hein. Toujours avec son Raymond Domenech de Marie. On va voir ce que ça donne. Elle l'a même embauché dans son émission, dis donc. Eh, ça travaille en famille alors. Et oui, ouais, ouais. Ah ouais, on travaille en famille, c'est marrant. Heureusement qu'on en profite parce qu'a priori, ça peut-être pas durer non plus. Non mais c'est vrai, bah, l'émission c'est vrai. Déjà l'année prochaine, si tu veux, Cyril Hanouna lui a quand même annoncé cette année que son émission était reculée d'une heure parce qu'il mettait un autre truc à la place. Donc ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est Cyril Hanouna qui fait la grille de D8. Bah en même temps, l'occurrence, c'est lui qui l'a produit, donc bon, c'est vrai qu'il a le droit d'aller faire attention. Mais tu vas te retrouver en plein milieu de la nuit, ma chérie. Ah bah comme c'est parti, déjà peut-être bientôt en plein milieu d'après-midi. Exactement. Estelle Denis, bah là c'est le matin sur Skyrock dans le morning à 6h09, c'est l'heure du réveil de star avant Eminem. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et oui, Estelle Denis réveille les familles de France. Alors, elle va réveiller Estelle Denis va réveiller Olivier. C'est marrant, ça fait trois prénoms. Estelle, Denis, Olivier. Ah, il faut s'en souvenir. Et ouais, Estelle, Denis, Olivier, tout de suite. C'est allez. Parti. Le allez, vas-y, star. Estelle. Allez, Estelle, donne tout. Fais comme à la télé. Pense à toi. Allô. On va tout de suite donner la parole à notre envoyé spécial. Ouais. Olivier Le Foll. Salut, Olivier. Bonjour. Je voudrais savoir là quelle est l'ambiance en bleu. Est-ce que les bleus sont abattus ou est-ce que vous ne sentez pas de changement finalement par rapport à la semaine dernière? Bah pas mal. C'est l'année de l'euro, c'est un euro en France. Bah oui, je sais, oui. Voilà, on a envie de s'éclater autour du sport. Bah moi je bosse beaucoup donc c'est mort. Hein. Il n'y a pas eu de soucis et des clashs? Ouais, un petit peu, ouais. Bon, après, l'affaire Benzema et compagnie, quoi. Moi, à titre personnel, je suis super déçu parce que c'est un joueur que j'adore. Ah bon? La logique, c'est quand même d'amener les Bleus en forme, justement pour le premier match face à la Roumanie. Ce sera le 10 juin. Non, mais je pense que normalement, ouais, le groupe, on va le passer tranquille. Ah. Après, il n'y a rien de mordant que la Roumanie restant. Qu'avez-vous aimé chez cette équipe de France? Que n'avez-vous pas aimé chez les Bleus? Comment avez-vous trouvé cette équipe de France? Ah, bah, l'attaque, elle n'est pas mauvaise. Après, je pense que ça va être Griezmann qui va péter tout. Après, Giroud, c'est Giroud. Ah. Il fait du Giroud, voilà. Il est sympa, mais il va se dégonfler. Pas sûr, la preuve, il s'est fait siffler il y a une semaine, et là, il en colle deux. C'est vrai. Si on lui amène des bons ballons, il va les mettre. Il va pas les mettre à côté, hein. Pas comme Benzema, quoi. Bah, moi, je vois ça comme une marque de confiance. Oui, après, on va voir. Après, ça sera des chances de faire le nécessaire, mais bon. Et on espère ne plus avoir de polémiques d'ici l'Euro. Ouais, non, mais il faut qu'ils arrêtent les polémiques de racisme et compagnie, c'est bon, quoi. La France, elle est multiculturelle, donc on regarde sur les titulaires de l'équipe de France, excuse-moi, mais bon, d'origine, de base, je suis pas raciste, hein. Ouais. Bah oui. Hein? Bon, c'est-à-dire, il est pas blanc. Ah. Comment il n'est pas blanc? Et après, je suis pas méchant, je suis pas raciste, rien du tout. Après, tant qu'il se moule le maillot, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Après, Benzema, il a fait le con. Et... Merci beaucoup, Olivier. De rien. Très bien. Salut. Avec plaisir. Olivier nous a fait une analyse de l'euro. Ouais. Bah, alors, ouais. Dites donc, vous avez vu ça? Ah, Olivier s'y connaît. Hein. Alors, vous avez bien noté, et ça, c'est une bonne nouvelle, la France est multiculturelle. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, Griezmann va tout déchirer. Giroud, il fait du Giroud. Ouais, Giroud, hein. Il fait du Giroud, mais il a quand même planté deux buts. Ça n'avait pas l'air de lui faire plaisir à Olivier, là, ce matin. Et les pronostics, alors, on passe le premier tour, les doigts dans le nez. Ouais. J'espère que vous avez bien apprécié une analyse sportive. D'Olivier La Folle. On se réclut sur l'équipe 21, là, ce matin. Ouais. Magnifique. Merci Estelle Denis, hein. C'est une très belle interview. Travail de pro. On sent que tu couches avec Raymond. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Champion mon frère. Oui, t'as Raymond champion mon frère. Presque. Ah, il a quand même emmené l'équipe de France en, c'est quoi, en finale. Il a failli. Ouais. Bon, l'euro, les places pour l'euro, c'est à gagner. C'est sur Skyrock ce matin. On vous offrira ça. Vos places avec le Crédit Agricole pour assister à un des matchs. On a tous les matchs à vous filer. 200 places encore tout au long de cette semaine. Les 6h13, j'ai promis un petit Eminem. Allez, c'est parti. Olivier est passé. Eminem arrive. Et dans un instant, on joue ensemble. On vous offre de l'argent. Ah, bien, c'est bon. Et on va encore parler de l'euro. Tiens, préparez-vous. 6h12. C'est le morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? You say Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. Hee hee. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, it's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up. Ah, si c'est Eminem qui vous le dit, please stand up. Eminem sur Skyrock, on écoutait The Real Slim Shady. Ça nous rappelle plein de souvenirs et ça fait toujours du bien un petit Eminem le matin. Allez, il est 6h17, on va se payer un coup là maintenant. On va parler alcool ce matin, on va parler euro également. Avec un sondage qui est sorti aujourd'hui, c'est fait par une association de défense des automobilistes et des une association anti-chauffard. Ah, okay. Ils ont demandé de faire un sondage auprès des Français et on va découvrir ce matin le pourcentage des Français qui, en regardant le match à la télé, boiront de l'alcool. Quel est le pourcentage des Français qui va boire de l'alcool vendredi en regardant par exemple France-Roumanie pour le démarrage de l'euro? Là, tu vends de la bière actuellement, t'es content, hein? Ah oui, c'est clair. Alors, pourcentage sur, allez, sur 100 Français, combien il y en a qui boivent de l'alcool? C'est un chiffre rond, je vous donne un indice. Ça va picoler. Ça va picoler sec. Donc vous me dites 100%. Cariole, tu penses à combien? 100%. 100%, non, d'accord. Cariole, le sondage n'a pas été fait que sur toi. Hein. Non, je sais, mais attends, jour de match quand même. Jour de match quand même. Cédric, tu penses moins? Moi, je dis, ouais, un peu moins, ouais. Un peu moins, très bien. Ce qui est déjà pas mal, mais par contre, pour obtenir un score, Cédric. Mais peux-tu lui donner un nombre? Faut qu'on lui demande carrément. Ah, je dirais 70%, moi. 70%, moi. Oh, ça fait beaucoup. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, c'est pas 70, c'est un chiffre rond. Quel est le pourcentage des Français qui a déclaré boire de l'alcool lors des matchs de foot? Vous pouvez nous envoyer vos réponses. Au 41-759, sur l'appli Skyrock, vous nous laissez ça. Et on va jouer pour gagner de l'argent et 50 euros déjà pour cette réponse-là. Plus plein de chèques de 50 euros pour vous si vous répondez à plein de questions en 30 secondes. Vous avez compris, c'est le jeu de Cédric. Oui, le grand quiz de Cédric. Ce matin, vous jouez contre lui. Faudra le battre. Eh bien, on compte sur vous. Et déjà, il faut nous dire le pourcentage des Français. Non, c'est pas 40%, c'est beaucoup plus. C'est plus que ça, ça picole. Il y a Enzo qui nous dit 40%. Oh là là, Momo, Enzo, t'es loin. On est quand même dans un pays de pochetron. Ah bah ça va. Vous allez avoir la preuve là d'ici quelques instants. À la vôtre. Préparez-vous les réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et on vous retrouve très vite en direct sur Skyrock. 6h19. Dirty Papi, Jason et son grand-père n'ont rien en commun. L'un est un peu coincé. Chaque jour, ma carrière est en jeu. L'autre est de nouveau célibataire. Je veux pisser. Mais quand la ville est réunie, t'as déjà fait un spring break ? Ils vont apprendre à mieux se connaître. T'es à point ? Ce soir, on va pécho ! Zac Efron, Robert De Niro, dans Dirty Papi, en Blu-ray DVD VOD, avec Skyrock. Ce temps chez Renault. La French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Je suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso. C'est quoi ces photos dans le salon? Ah. T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Skyrock. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare. Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Soche présente. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Avec les offres Trilogy, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zinga et Aïssa Maïga d'après l'histoire vraie de Camini. Le 8 juin au cinéma avec Skyrock. Lidl. Allô patron, c'est bon, j'ai la date. Mais quelle date ? Eh ben celle du job dating de Lidl à Paris. Quoi ? Ils recrutent encore ? Eh oui, des managers de magasins le lundi 13 juin. Et c'est urgent, hein ? Date limite d'inscription le 9 juin. Dernier délai. Quoi ? Ça t'intéresse ? Ah ben non, non, pas du tout. Il faut un bac plus 2 ou plus 3. Et moi j'ai que le certif. Oh, c'est pas comme vous, patron, hein ? Alors, date limite d'inscription le 9 juin pour le job dating du 13, c'est ça ? Ah non, patron, pas vous. Oh ben non, là on est mal, hein. Oh, on est très mal. Postulez dès maintenant sur le site emploi.lidl.fr. Radio Disneyland Paris. Chers parents, vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris, mais vous hésitez. Parc Disneyland ou Parc Walt Disney Studio, Ratatouille ou Reine des Neiges. Eh bien, taratata. En ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul. Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. En voiture Simone. Roule Raoul. Fonce Alphonse. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le morning de Diffoul. Le morning show. 6h-9h sur Skyrock. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Full. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Ouais, avec toute l'équipe qui est là tous les matins en direct de l'appart et avec vous, surtout en direct avec nous, on a Mathieu de Rennes qui nous appelle. Bonjour Mathieu. Bonjour, salut, c'est Diffoul. Ça va. Ah, j'adore quand vous vous réveillez comme ça le matin. Bon. Ah, je suis en train de travailler. Ah bah, oh, t'es en train de te réveiller au boulot, pas mal ça. Tu fais quoi comme boulot, Mathieu? Je suis chauffeur-livreur. Ça chauffe, ça livre. On salue tous les chauffeurs-livreurs qui nous écoutent le matin, branchés sur Sky. Bon Mathieu, t'as la bonne réponse à la question que je posais. Question euro, question alcool ce matin. Alors, quel est le pourcentage des Français, moi j'ai halluciné, le sondage est véridique, on l'a vérifié, le pourcentage des Français qui va boire de l'alcool en regardant les matchs de l'euro? C'est la question qui a été posée aux Français. Tu as le pourcentage, Mathieu? Oui, le pourcentage, alors c'est 80%. 80% des Français vont boire de l'alcool et parmi eux, il y en a 72% qui vont boire de la bière. Ouais, c'est vrai. Eh, faut inventer ta bière, Romano. Ouais. La Romaneuro, la bière de l'euro. Ouais, c'est vrai, c'est pas cool. C'est vrai, pour un conseil pas cher, il y en a qui nous demandaient s'il y aurait des conseils pas chers. Ah, ben bien sûr qu'il va y en avoir des conseils pas chers. 7h10, 8h10. Sinon, Romano, il vient pas. Ouais, voilà. C'est parti de mon contrat. Hein. Bon, Mathieu. Mathieu. Hey, toi aussi, t'as le droit de te réveiller, mais moi aussi, Mathieu. Alors, Mathieu, tu viens de gagner 50 euros. Ah oui. Déjà, on va jouer avec Cédric maintenant. Ouais. Tu auras 30 secondes pour marquer un maximum de points, marquer plus que Cédric. Et si c'est le cas, eh bien par bonne réponse, on te rajoute 50 euros. Ça marche. Plus 50 euros. Plus 50 euros. Plus 50 euros. Bonne chance, Mathieu, on y va. Cédric. J'ai vu la créature. Elle avait la figure poilue et elle sentait les égouts. Le morning de Nifoul sur Skyrock. Bah oui, Cédric, tu as la figure poilue, tu ne t'es pas rasé aujourd'hui, dis-moi. Ouais, non, je suis pas rasé. Ouais. Voilà, c'est bien moi que tu as vu, madame. La dame du Nigel s'est pas trompée. Alors, voici les questions. Alors, les questions secondes du chacun. Jour. 30 secondes, on commence avec toi, Cédric. Allez, vas-y. Oui, Cédric, honneur au meilleur, sans doute. Bien sûr. Ah oui, attends. Alors, attention, 3, 2, 1, top question, 30 secondes. Qui a déclaré « J'aimerais tellement être Messi » Cristiano Ronaldo, Griezmann ou François Hollande? Hollande. Et c'est François Hollande, bien joué. Calcul, je possède un jardin de 4 mètres sur 8. Quelle est la surface de mon jardin en mètres carrés? 36. Non, 32, pas de chance. Ah merde, putain, merde. Date, nous sommes le 7 juin. Combien serons-nous dans 2 semaines, le mardi, dans 2 semaines? 21. Allez, le 7 juin, ouais, 21. 21 juin, bonne réponse. 2 points. Ça manque un peu de rapidité. Un peu. Alors, au réveil. Ah ouais, ça manque un peu de rythme. Tu le réveilles, mon pote. Et 4 fois 8, alors vous avez bien noté, selon Cédric, ça fait 36. Voilà, je suis fort en mathématiques. Voilà, petite révision de maths pour ceux qui auront le bac, le brevet, d'autres examens, ça peut toujours servir. Vraiment, oui. Histoire que vous le ratiez. Non, mais au réveil, comme ça, la tête dans le cul, ouais. Donc, une bonne réponse, deux. Deux bonnes réponses. C'est le score à battre. Tu te sens prêt, Mathieu? Ouais, je suis prêt. Bon, de toute façon, t'as pas le choix, faut faire plus. Hein. Ouais. Ah, bah oui, normal. Alors, attention, Mathieu, 30 secondes pour toi aussi. Difool, tu es prêt au niveau des questions? Ouais, il y a une vidéo qui tourne, on en a parlé hier soir dans la Radio Libre, c'est la vidéo de policiers qui sont sur une barque. Et ben, la première question, c'est là-dessus. Alors, attention, 3, 2, 1, top question. Combien étaient les policiers qui sont devenus la risée des réseaux sociaux hier en prenant l'eau dans leur barque? 2. 3. 3. Calcul. Je possède une piscine, une capacité de 5000 litres. Combien faut-il de litres pour la remplir à moitié? La moitié de 5000. 2500. Ah, ouais. Nous sommes le 7 juin. Le combien serons-nous vendredi? Le 10. Oui. 2 points. Initial. Que veut dire VTT? Vélo tout terrain. Bonne réponse. Points. Eh ben, 3 points. Ça fait 150 euros plus les 50 euros de la question de sélection. 200 euros. Bien. Oui. Tu mérites tes 200 euros puisque tu as fait un point de plus que Cédric. Cédric, ouais. C'était pas mal ce matin. Match serré. Mais il est meilleur, Mathieu. Bravo, Mathieu. Tu gagnes donc 200 euros. Ouais, ouais, c'est ça. 200 comme euros. Ça, cash en te réveillant ce matin sur Skyrock. Ouais. Tranquille. Et ouais, tranquille. Bon, ben le chèque à la maison pour toi, Mathieu. Et dans moins d'une heure, on va jouer ensemble. Bah, de rien, Mathieu. On va jouer ensemble à Info Mytho. On vous offrira votre télé Samsung, la toute dernière télé Samsung. Ouais, ouais. L'écran Samsung magnifique. 4K. 4K, ouais, c'est voilà. Ça, Smart TV. Et elle sera pour vous. Bravo Mathieu, 200 euros pour toi, ferais-toi un plaisir. Avec tes 200 euros, ils arrivent directement à Rennes ce matin. Merci. De rien, Mathieu. Salut Mathieu, bon courage. Ciao Mathieu. Merci beaucoup à vous aussi. Et ben merci Mathieu, ciao. Et dans un instant sur Skyrock, elle arrive. Ils arrivent même, on aura Rihanna, on aura Calvin Harris, Justin Timberlake, SCH, tout ça pour nous réveiller. Après les infos de Rémi, on va faire le point sur l'actu car il est 6h30. Bonne journée, bon réveil et bon mardi. L'actu avec la météo. Ouais. Ah, attention, il y a des régions où ça s'agite aujourd'hui. Oui, on a encore 7 départements en vigilance orange ce matin, déjà pour inondation dans le centre et en Normandie. Bon, la décrue est vraiment engagée, hein, partout, sauf dans l'Essonne où la rivière du même nom atteindra son pic dans la matinée. Côté ciel, eh bien, il fait beau ce matin, sauf sur le Limousin, l'Auvergne et la Haute-Normandie. Retour des orages et des averses quasiment partout cet après-midi, excepté sur les régions du sud. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 11 et 17 degrés, 14 à Lille et 17 à Paris, de 14 à 19 dans le sud, 15 à Lyon et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Dunkerque, 21 à Beauvais, 22 à Amiens, 23 à Lille et à Saint-Étienne, 24 à Marseille et à Paris, 25 à Auxerre, 26 à Lyon et 27 à Toulouse. Et puis la pollution, bah c'est mauvais aujourd'hui, les indices sont compris entre 4 et 6. Ça monte à 8 sur le nord, à Douai, Lille, Lens et Béthune. Et on fait le point sur l'actu, toute l'actu et tout le sport sur Skyrock, c'est parti. Et les ultimes négociations hier sur le temps de travail à la SNCF, la CGT et Sudrail maintiennent la grève en attendant les arbitrages de la direction. 7e jour de mouvement consécutif. Le trafic est toujours perturbé, même si c'est un petit peu mieux qu'hier. Comptez 4 intercités sur 10, 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10. François Hollande appelle ce matin à cesser la grève dans le quotidien La Voix du Nord. La mauvaise journée d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie s'est rendu hier à Montreuil dans le 9-3. Il devait dévoiler un nouveau timbre et a eu le droit à un comité d'accueil de la CGT et des communistes. Des œufs ont été jetés, dont un qui a fini sur la tête du ministre. Un incendie meurtrier hier soir à Saint-Denis en région parisienne. Le bilan provisoire fait état de 5 5 morts et 12 blessés, dont 2 graves. Le feu s'est déclaré pour des raisons encore inconnues dans un immeuble assez récent. Des dizaines de pompiers sont intervenus, certains sont encore sur place. Une partie de la cage d'escalier s'est effondrée, ce qui a rendu les opérations bien plus difficiles. Le procès du jour qui s'ouvre à Pau, au pire en Pyrénées-Atlantiques. 4 personnes comparaissent aux assises pour avoir tué un jeune collégien de 13 ans en 2011. La victime a été tuée à coups de marteau pour un téléphone portable. Son corps a été retrouvé démembré 3 semaines après les faits. 2 des prévenus risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Des peines plus que symboliques. Procès toujours en cours de la filiale présumée djihadiste de Strasbourg. 7 hommes sont jugés pour s'être rendus en Syrie, dont l'un d'eux est le frère d'un des terroristes du Bataclan. Le procureur a estimé que tous les prévenus se sont impliqués dans des combats en Syrie. Il a requis la peine maximale pour 4 des 7 individus, à savoir 10 ans de prison. On a des places pour l'Euro à vous filer ce matin, peut-être dans pas longtemps d'ailleurs. Gros match à gagner, mais avant ça, les infos sport du jour et du foot. Ouais, et bah le cœur bleu à la une de l'équipe ce matin, le quotidien sportif qui revient sur les stats de Giroud, qui a été sifflé, vous le savez, par le public de Nantes lundi dernier. Et bien, on ne triche pas avec les chiffres, on doit bien reconnaître que l'attaquant d'Arsenal fait mieux en équipe de France que Benzema. Avec 17 buts inscrits en sélection depuis l'été 2012, il est le joueur qui s'est montré le plus décisif sous l'ère Deschamps. Alors les stats ont été réalisées après 49 sélections. Benzema est un 15 buts. Le premier, c'est Trezeguet, avec 28 sélections devant Henry qui pointe à 20. Anelka complète le top 5 avec 11 buts. Un dernier chiffre, hein, Giroud cadre plus d'une frappe sur deux. Il est à 52,9% et il claque un but tous les 5 ou 6 tirs, ce qui est quand même pas mal du tout. Du basket avec la finale de la Pro A. Strasbourg se rapproche du titre de champion. La SIG n'a plus été sacrée depuis 2005. Deuxième victoire hier contre l'ASVEL, 73-61. Le match 3 est prévu jeudi à Villeurbanne. Merci Rémi pour le sport et on vous tient au courant sur tout ce qui se passe à l'Euro. Et on vous offre des places. Les places à gagner peut-être avant 7h. Restez bien dans le coin. Il est 6h33 sur Sky. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, une belle journée qui démarre. On est mardi aujourd'hui, on est le 7 juin. Romano, tu prépares tes conseils pas chers pour dans un peu plus d'une demi-heure tout à l'heure. Y a pas de problème, je suis déjà prêt. D'ici là, le sondage du jour, c'est à 6h50. Peut-être vos places pour l'Euro aussi. Hein. Restez bien dans le coin, l'horoscope dans 10 minutes. Et tout de suite, on va parler d'une belle opération qui est organisée par la ville d'Evreux et par les bus de la ville d'Evreux. Vous avez déjà été agressé par une odeur dans un bus? Dites-nous, c'est au 41. 759. Bah oui, eh oui, les gens. Bah souvent, hein, le bus en lui-même, ça va à peu près, mais alors les gens qu'il y a dedans. C'est souvent le problème, en effet. Ça va moins bien. Ça pique le nez, quoi. C'est vrai. Ah, ça, des fois, ça fait pleurer même. Hein. Alors, oui. Est-ce qu'il y a déjà des odeurs qui vous ont agressé? Quelle est l'odeur que vous détestez le plus dans la vie en général? Tiens, vous nous dites au 41759 et sur l'appli Skyrock. Et une belle initiative, donc, de la ville d'Evreux et des bus d'Evreux dans l'heure. Ils ont décidé de parfumer les bus. Ah ouais. C'est pas con. Ouais, ah, ils, pas ont mis ils vont mettre une espèce de pchit dans tous les bus. Et le truc se déclenchera quand il y aura des gens à l'intérieur. Genre le pchit, il voit une personne qui rentre. Oh, un humain, il pue. Pchit. Ouais, en fait, exactement le même truc qu'il y a dans les chiottes, quoi. C'est exactement pareil. Le problème des bus, c'est que maintenant les bus risquent de sentir les chiottes. Ouais, c'est ça. Non, et puis des fois, c'est le mélange parfum, admettons, transpi. Ça peut être pas mal. Ça peut être terrible. Alors, vous nous dites, qu'est-ce que vous pensez de ce truc? On en reparle tout de suite sur Skyrock. Et surtout, vous nous dites les odeurs que vous ne supportez pas et auxquelles vous êtes confrontés. Bah, par exemple, ce matin, par exemple, dans les bus, c'est encore mieux. Si vous prenez les transports ce matin, vous pourrez nous dire. Allez-y donc, 41759, skyrock.fm et on en reparle tout de suite en direct sur Skyrock ce matin. Saluez votre voisin, votre voisine dans les transports, bah celui, oui. Celui ou celle qui pue. Et attention, le sondage du jour, je vous l'ai dit, c'est à 6h50, il va concerner les cougars et les pumas. Oh. Ce matin, les cougars et les pumas, les femmes cougars, les hommes pumas. C'est comme, ouais, c'est, ça. C'est comme ça qu'on dit. Eh bien, on va s'en occuper. Vous verrez le sondage, enfin, vous l'entendrez plus précisément, c'est sur Skyrock. Après, Calvin Harris et Rihanna, tout de suite. J'avais promis, this is what you came for. Ouais. C'est à 6h36 sur Skyrock. Tous les matins. Morning show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. This is what you came for. C'était Rihanna sur Skyrock. Rihanna et Calvin Harris. Il est 6h40. Et donc, une belle opération dans les transports d'Evreux. Ils vont mettre du parfum maintenant. Ça va peut-être se généraliser dans toute la France. Ça pue tellement dans les transports, nous dit l'ambulancier. Sur le 41-759. Salut à toi, ami ambulancier. Bah, sinon, il faut prendre les bus, là, comme les trucs de touristes, pour aller voir les monuments. Les bus décapotables, là. Ouais, ou alors, oui, c'est vrai, faudrait mettre des bus décapotables. En hiver, ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu, oui, quand il pleut aussi, ça peut être ennuyeux. Oui, c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait, ce temps-ci. Tiens, en même temps, ça peut laver des gens qui puent. C'est ce que j'allais dire, ça fait une douche gratuite pas chère pour les gens sales à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être pas mal. Alors vous nous laissez des messages, on vous a demandé quelles étaient les odeurs qui vous dérangeaient. J'habite au-dessus d'une cantine, d'une école primaire et tous les minis, une odeur dégueu entre les choux-fleurs et les pieds. Si j'ai un gosse pour le punir, je le mettrai à la cantine, Idriss. Oh non. Salut à toi Idriss. C'est vrai, quand t'habites au-dessus d'un resto, au-dessus d'une cantine, t'as l'impression de passer ta journée à bouffer. Bah, et puis ouais, tout dépend l'établissement que t'as en bas, quoi. Si c'est un truc ignoble ou genre ils font de la friture à longueur de journée, content, t'as l'impression. Je te les frite. Bah oui, vous avez l'impression de vivre dans une friteuse, mais c'est normal, vous habitez au-dessus de notre friterie. Que je taille les frites. Est-ce qu'on peut stocker un peu d'huile chez vous? Ah, l'odeur de la bœuf de mon voisin, il parfume mon linge quand je le mets sur le balcon, je me suis habitué. Bon, ça fait du parfum pas cher. Un Romano, nous dit Will. Ah bah ouais, ouais. Ah ouais, pas cher, ouais. Bah nous, pareil, on a un voisin avec carriole, laisse tomber. On a une cour dans notre immeuble et c'est dans l'immeuble d'à côté, mais le mec, a priori, fume des joints, mais c'est nucléaire ce qu'il fume. C'est-à-dire que ça sent, mais un bloc en plein air. Mais... Peut-être le voisin de Will aussi. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Omar, lui, faisait du foot et nous dit l'odeur des vestiaires après un match, c'est terrible, ça pue les pieds, la transpiration. Ah ouais. Mais j'aime tellement le foot que l'odeur me manque. Ça, c'est beau, ça. Ça sent l'homme, quoi. Ça, c'est. Ah oui, ça sent l'homme, ça. C'est beau, Omar. Mais des fois, dans les vestiaires, même quand t'arrives alors qu'il y avait personne avant, ça pue déjà. Ah oui, ça s'imprègne en fait. En fait, les murs puent les pieds. C'est ça. En fait, faut abattre les murs pour que ça sente plus. Le mélange tabac, froid et alcool, c'est terrible quand t'es dans un bus et que tu rentres le soir pour Arco. Moi, c'est l'odeur de mon prof qui me dérange. Ah, toi aussi, t'as un prof qui pue. Je crois qu'on a tous eu des profs qui puaient. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, moi j'avais un prof de français barbu qui sentait très très très mauvais. Il était tout petit. Une petite boule puante, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, on voit bien, ouais. Bouh. Et un prof de physique également, lui, c'était la bouche. Ah, ouais, oui, aussi. Ça revient souvent les odeurs d'haleine que vous nous dites là. Eh bien, écoutez, cette espèce de petit parfum pourrait être. On sait quel goût, quelle odeur ça va avoir? Bah, c'est la même odeur que dans les chiottes, hein, c'est du fèvre. Ah ouais, ok, ouais, ouais, tu décapes chiottes, quoi. C'est un peu ça, ouais. Donc tu montes dans le bus, t'as l'impression de rentrer dans des toilettes. Ouais, c'est ça, t'as l'impression de rentrer dans un canard WC. Magnifique, c'est donc organisé. Non mais bon, écoute, allez, c'est bon, plutôt pas mal, hein. Moi je trouve ça pas con l'idée, après à tester en pratique, mais... En soi, ça peut être sympa. Ouais. Tiens, on va tester ça en pratique là. Si vous voulez qu'on appelle la société de transport de votre ville, vous nous dites sur les messages là. On va aller où là, Cédric? T'en as quelques-uns? Ouais. Ils sont réveillés à cette heure-ci? Ouais. On va chez qui? Là, j'ai deux gares là. Ah, on va dans les gares. Très bien, très bien. Dans les gares, il y a des bus et il y a aussi des trains. Oh oui, donc double risque. Eh ben voilà. Le bus et le train ce matin. Je stresse rien qu'à l'idée de prendre mon bus ce matin. C'est qui nous dit ça? L'enculeur de mouche. Mais non. Bonjour, l'enculeur de mouche. Bienvenue à toi, le pseudo a beaucoup amusé Carriole. Ah oui. Ah ouais, elle adore. On pourrait faire un jour l'élection du pseudo le plus drôle de la matinée. Ah ouais. Allez, c'est parti, on y va, c'est le French Test. Le French Test sur Skyrock. Alors, le French Test. On va dans quelle gare, tu as dit? Gare de Briard. Ah, tu avais pas dit. Gare de Briard, comme le chien. Ouais. Gare de Briard, bonjour. Bonjour madame, la gare de Briard. Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle, je suis un usager de vos transports, je suis avec mon mari ce matin. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ah bah je comprends pourquoi ça pue, ça pète. Vous avez j'ai des gaz, madame, ça s'entend. Le téléphone, il faut le remonter un peu au niveau de votre bouche. Parce que là, il est placé vers votre anus et c'est gênant pour nous. N'importe quoi. Ouais. On vous appelle pour vous dire que ça pue le chien dans votre gare. Ah oui, mais elle l'a mal pris. Elle est vexée, c'est qu'elle a raccroché. Ah bah si c'est comme ça, si on peut plus péter tranquille, je raccroche. Comprenez pourquoi ça sent mauvais dans certaines gares. Ah ouais. Puis elle envoyait. Elle se lâche quoi. Elle s'est dégonflée, la dame. Allez, là, on va au bus d'Aurillac. Au bus d'Aurillac. Allô, allô. Oui. Bonjour, les bus d'Aurillac. Oui. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va, vous? Ça va pas mal, ça va pas mal. Ouais, je suis avec mon mari ce matin. Bien le bonjour, monsieur. Je suis avec mon mari. Je suis le mari. Et je vous appelle parce qu'on a un petit problème. Quand on va dans les bus, il y a des jours où ça sent mauvais. Vous avez pas prévu de faire quelque chose contre les mauvaises odeurs dans les bus, dans les transports, tout ça? Pourquoi dans les bus, chez nous, ça sent mauvais? Ah, il y a des gens, ils puent, ouais. Ah, il y a des gens qui puent? Eh oui, eh oui. Faudra avoir un détecteur pour aller faire rentrer dans le bus ou, je sais pas, vous acheter un diffuseur de parfum. Hein. Non. Ah, mais comment on fait quand c'est le chauffeur qui pue? Oui, non, mais attendez, là, on peut pas trop... Après, ça devient du racisme, après, là. Il y a des gens qui ont certaines odeurs qu'on peut pas leur supprimer non plus. Hein. Ah oui, mais oh, tu sais, une bonne petite douche, et puis ça aide. Ça oui, part, hein. En général, ça marche sur tout le monde. Hein. Oui. Oui, oui, mais pas toujours, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé aussi. Vous savez, il y en a qui ont des poches fécales ou autre chose. On peut pas quand même... je vois d'où ça vient. On peut pas non plus leur couper la vie de tout. Hein. C'est des gens qui... Oui, mais on comprend. Autres, hein. Oui, mais là, bon, c'est quand même pas tout le monde qui se transforme... Non, bien sûr. Qui se trimballe avec une poche fécale. Au pire, c'est un cas comme ça, par exemple. Oui. Voilà. Bah vous le mettez sur le toit. J'ai un ami qui a une poche fécale, Cédric, qui a une poche fécale. Ah bah non. Bah je suis une poche fécale. Ah, je savais. Bon, excusez-moi monsieur, je travaille, là j'ai autre chose, merci. Au revoir. Vous voulez passer Cédric dans le bus? Je prends note. Ah, vous prenez note, très bien. C'est bien, faites une note de service. Hein. Oh, c'est dingue, je parle de toi, Cédric, et de ton odeur. Il a tout de suite. Oh là, j'ai bien noté. Hein. Il y a un truc à faire là. Oh là, il s'en va. Le bus s'en va là. C'est bon. Bon, merci les bus d'Aurillac, ils étaient sympas ce matin. Dans un instant, le sondage du jour concerne les cougars et les pumas. Oui. Pourquoi certains sont-ils attirés par des cougars? Pourquoi certaines sont-elles attirées par des pumas? La réponse arrive. C'est le sondage du jour. Et je vous annonce le match du jour aussi qu'on va vous offrir dans le morning. Alors, quelle est l'affiche? Il s'agit de... Vous êtes prêts? Oui, ouais, ben là, Allemagne-Pologne, le 16 juin, au Stade de France. Votre match à gagner, eh bien, c'est dans pas très très longtemps. Restez bien dans le morning, restez bien sur Skyrock. Les places de foot à gagner pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole, c'est dans un instant sur Skyrock. Allez, l'horoscope arrive dans une minute. Et notre sondage du jour, et puis le son pour se réveiller, c'est SCH, Champs-Élysées. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi, là? Une belle histoire. Ah, oublie pas, c'est du pneu Continental 16 pouces à 69€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1€ de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Soche présente. Eh, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Et l'horoscope à 6h47 sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mardi 7 juin, c'est parti, on commence par les cancers et les Verseaux, puissance amoureuse à 0 sur 5. Eh ben voilà. Et vous aurez du mal à trouver vos marques aujourd'hui, rien vous déstabilise et sème le doute en amour. En gros, ayez plus confiance en vous, les cancers et les Verseaux. 1 sur 5, les Lions et les Vierges. Ah oui, ne vous plaignez pas trop aujourd'hui, même si tout ne va pas comme vous le voulez dans le domaine amoureux. Soyez patient, ça va s'améliorer. Lion Vierge 1. 2 sur 5, les Balances et les Scorpions, vous reprochera aujourd'hui d'être un petit peu trop dans votre coin et de ne pas aller vers les autres. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant pour passer une meilleure journée. Les Balances et les Scorpions. On passe aux 3 du jour, les Béliers et les Poissons. Votre vie sentimentale vous donnera entière satisfaction aujourd'hui. Vous n'aurez pas à vous plaindre. Ah ouais. Continuez sur votre lancée, ce sera que du positif. Et oui, surprenant Cédric. 4 sur 5, les taureaux et les capricornes, votre force du jour, c'est que vous avez la niaque. Quand vous avez envie d'un truc, faites tout pour l'avoir. Tout ira dans le bon sens pour vous aujourd'hui. Ah bah c'est bien. Magnifique capricorne. Et les taureaux aussi. 4 et 5 sur 5, les sagittaires et les gémeaux. Bon feeling aujourd'hui avec les autres. Pas besoin de calculer, vous faites confiance à votre instinct. Et vous avez bien raison, il vous guidera vers l'amour, les sagittaires et les gémeaux. Ça nous fait du 5 sur 5. Vous voulez aller voir l'euro? Eh bien, top inscription. Eh bien, hier, vous m'avez dit, vous faites jamais gagner avant 7h. Eh bien, si, regardez. Eh bien, la preuve. 6h48, vous vous levez tôt. Vous levez avec Skyrock, vous avez bien raison. Vous voulez aller voir les matchs de l'euro. Eh bien, c'est tout de suite qu'on va jouer ensemble. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Pour aller au Stade de France, c'est tout de suite au 41-759 sur l'appli Skyrock. On vous offre un gros match avec un des deux favoris. Un favori parmi les deux, plus précisément. L'Allemagne contre la Pologne. Allez, bonne chance à vous. La roulette tourne avant 7h du matin. Allez, 6h49. Bon, allez, SCH maintenant. Ok, c'est SCH sur Skyrock. Motherfuck. Good morning show. Skyrock, premier sur le rap. Quoi? AWA Mafia, man. Assez. Ah ouais. Hey, les petits sont mûrs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire, assis sur un mur. Vois l'avenir, bloqué dans l'obscur. Heureux dans la mer. J'suis pas là, bénévole. À l'instar des autres, j'suis sur le toit. T'inquiète, je l'offre, j'suis en guerre. J'appuie, pay, bitch, crame. Chacune son goût. Deux putes dans le même lit. Le M, on a les mêmes goûts. Genre du route. Un bon siège cuir pack. Un fer couleur nacré. Hey, la oui, la oui. La main sur l'échange, les poils loués. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Elle a avoué. Fait sur les champs, pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué. Pas loué. À part sur les champs, je l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer. Elle suit sans tous mes potes, y'a pas de méthode. Mensonge partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rats. Followers, on est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. Hein? Fuck le monde des mondes, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en la main sur l'échange, les points loués. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Sur les champs, pas loué, pas loué, pas loué, pas loué. Qu'un doigt pour mes haters, jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies, moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruine du frais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, j'te paye après. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. Parabellum, c'est la guerre en bas, on va pas ramper. Je sais que tu sais que je sais. Appelle-moi plus tard, là j'suis en. La main sur l'échange, j'l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Sur les champs, pas loué, pas loué, pas loué, pas loué. Gamin sur les champs. Et sur Skyrock STH, on était sur les Champs-Élysées dans le morning à 6h53. Dans un instant, je vois Margot qui laisse un message. Je suis d'origine polonaise. Ce serait mon rêve d'aller au match. J'espère que tu vas être tiré au sort. On fait le tirage au sort dans quelques secondes. Mais oui. Et vous vous retrouvez en direct avec nous. Et oui, si vous venez de vous réveiller, on a lancé le jeu pour l'Euro 2016. Les places pour l'Euro avec le Crédit Agricole, ça a gagné sur Skyrock. On en a 200 encore cette semaine. Et on a Allemagne-Pologne ce matin. Gros match à gagner au Stade de France. Vous le voulez. Allez, dernières inscriptions. Et on fait tourner. Mais d'abord, voici notre sondage du jour. Le sondage du jour concerne les attirances pour les personnes mûres, autrement dit les cougars et les pumas. Ouais. Un puma est une. C'est un jeune qui se tape une cougar. C'est une cougar au masculin. Non, non, un puma c'est un vieux. C'est un vieux qui se tape jeune. Des jeunes. Et comment ça s'appelle alors le jeune qui se tape des vieilles? Gigolo. Non. Si, c'est gigolo. Mais non, gigolo c'est prostituée. Oui, en fait, Karim, c'est tu dis n'importe quoi et Karim il te dit oui. Mais si. Oui. Alors pourquoi les femmes se tapent-elles des hommes mûrs quand elles sont jeunes? Pourquoi les hommes jeunes se tapent-ils des femmes mûres? D'après vous, pourquoi? J'ai les résultats du sondage du jour. D'après vous, les femmes. On commence par les femmes. Honneur aux filles sur Skyrock ce matin. Pourquoi les femmes jeunes se tapent-elles des hommes mûrs? Pour l'expérience. Pour l'argent. Ouais. Bonne réponse de Romano. Et deuxième, c'est l'expérience. L'expérience sexuelle, elle répond. Ouais, c'est ça, ouais. Troisième, la maturité. Quatrième, le charisme. Et cinquième, le côté paternel. Là, ça fait flipper. Ouais. Appelle-moi papa. Oui, c'est ça. Pourquoi les hommes jeunes se tapent-ils des femmes mûres? Alors, d'après vous. Expérience sexuelle aussi. Oui, en un, là, par contre. Pour l'argent. Non, l'argent, ça arrive en trois. Ah, mais quand même, ça arrive. Et le côté maternel, ça fait peur aussi. Ça arrive en deux. Donc, expérience sexuelle, meilleure expérience pour les hommes qui se tapent des femmes mûres. Et pour les femmes, c'est l'argent. Vous êtes vénales, les filles. Ah ouais, c'est incroyable, ça. Ah, c'est décevant. Bon, mais c'est le sondage du jour, c'est marrant. Il y a d'ailleurs sur ce beau sondage la photo d'un papy avec une jeune fille, ça fait peur. Ah, c'est horrible. Bon, c'est l'heure de vos places de foot, ça y est, tirage au sort effectué. Qui va jouer avec nous? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite en direct. C'est parti pour la roulette sur Skyrock et c'est parti pour Allemagne-Pologne tout de suite. Oh, ça va tourner. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Et en direct avec nous, Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour. Salut Mehdi. Comment ça va Mehdi? La forme. Et Allemagne-Pologne a gagné. C'est l'heure de ta roulette, Mehdi. On fait tourner. Attention, elle est pour toi. France-Roumanie, c'est vendredi, ça démarre. Mais après tous les autres matchs, ils sont tous à gagner jusqu'à la finale sur Sky. Ouais. Bien Mehdi, t'as envie de les avoir tes places. Hein. Ah ouais. Eh bien tu les as, deux places pour Allemagne-Pologne, Mehdi, c'est gagné. Super, vive Skyrock. Eh ben vive toi Mehdi. Allemagne-Pologne le 16 juin à Paris au Stade de France et tu as gagné tes deux places ce matin dans le morning. Tu y seras Mehdi, bravo à toi. Merci, merci beaucoup les gars, continuez comme ça. Ben, merci de te réveiller avec nous. Déchiré. Et des places à gagner tout au long de la journée, hein. Restez bien sur Skyrock. Là c'était Allemagne-Pologne, hier on vous a offert les huitièmes de finale, on avait le match France-Suisse aussi qu'on vous a offert, France-Albanie, enfin tout est à gagner. Oui, et c'est pour toi Mehdi. On t'envoie au Stade de France. Merci les gars, continue comme ça. Eh ben bonne journée à toi Mehdi. Ciao Mehdi. Ciao. Salut. Et puis restez bien sur Skyrock, on a aussi 1500 €. Ça c'est dans un instant, 1500 € si vous répondez Skyrock après Justin Timberlake tout de suite. Faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oui, Oscaro.com vous propose de l'huile moteur adaptée à votre véhicule. C'est simple et très économique. Facile et pas cher, je me lance. Et en ce moment, en achetant de l'huile Total Wealth sur Oscaro.com, vous pouvez gagner 2 stages de pilotage sur le circuit mythique de Magny-Cours. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Carrefour. Chérie, pourquoi t'as rajouté des bières sur la liste de courses? Bah, parce que chez Carrefour, j'ai vu une offre qui devrait te plaire. Ah bon, fais voir. Ah ouais, effectivement, dis donc. Jusqu'au 20 juin, on a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bières Heineken. Alors, elle est bien cette offre, non? Mais tu deviendrais pas un pro des économies, toi? Jusqu'au 20 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme le pack de bières Heineken. Valable sur le pack de 24 x 25 centilitres modélité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. Génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédits. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 9. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. C'est le retour du Morning de Difool. Difool, the morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that. Sur Skyrock à pile 7h du matin, du côté Can't Stop the Feeling. On prépare les 1 500 euros, c'est dans un instant. Et les conseils pas chers arrivent aussi à 7h10 tout et à l'heure. Ce matin, je vais vous montrer comment on gagne de l'argent grâce aux bleus et à leur coupe de cheveux. Ah, magnifique coupe de cheveux des bleus. Ah, magnifique collection. Je vais dessiner des coques comme Griezmann. Non, pas non, comme c'est Pogba qui a les coques. Pogba, oui. Et Griezmann, il était blond avant. Ouais, mais il a arrêté. Il le fera plus parce que sa gosse, elle a peur. Oui, c'est ça. Ça fait peur à son enfant. Ah, mais c'est lui qui l'a dit. Il a dit ouais, j'ai pas envie que mon enfant il me voit avec les cheveux blonds comme ça, que ça le traumatise. Enfin, blond jaune, hein, même. Ouais. Bon, les coupes de cheveux des bleus. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des coupes de cheveux des bleus que vous aimez bien? Tiens, dites-nous. Ça dépend, ça change, parce que Pogba, il a une coupe de cheveux par match, lui, pratiquement. Ouais. Vous nous laissez tout ça. Il y avait un reportage qui était fait dans 66 minutes. C'était dimanche en fin d'après-midi sur M6. Et alors, Pogba, il a un mec qui teste les cheveux. Il teste les coiffures avant qu'il les fasse, ouais. Il a un pote, c'est un cobaye. Il teste la coiffure. Il lui envoie la photo. Il envoie la photo à Pogba. Pogba dit OK. Et dans ce cas-là, il se fait la coupe. Si ça lui plaît pas, il lui dit oh là, c'est moche. Ouais, finalement, bah, reste, je le ferai pas ton truc. J'ai bien fait de prendre un cobaye. C'est marrant que tu nous parles de cheveux ce matin. Écoute, tous les business sont bons pour gagner de l'argent, hein. Bon, c'est dans les conseils pas chers. Ça arrive. Vaut 1500 euros, je vous l'ai dit. C'est dans un instant. Après les infos, car il est l'heure de faire le point sur l'actu et le point sur la météo. Alors, attention, il y a des endroits où ça sera agité. Retour des orages aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, retour des orages et des averses quasiment partout cet après-midi, excepté sur les régions du sud. Ce matin, il fait beau relativement partout, sauf sur le Limousin, l'Auvergne et la Haute-Normandie. On a encore 7 départements en vigilance orange pour inondation dans le centre en Normandie. La décrue est vraiment engagée, mais attention, si vous êtes dans l'Essonne, la rivière du même nom là va atteindre son pic dans la matinée. Les températures ce matin, 11 degrés à Cherbourg, 13 à Saint-Etienne, 14 à Orléans et à Lille, 15 à Nantes et à Lyon, 16 à Toulouse, 17 à Paris, 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 au Havre, Romorevin, à Caen, 22 à Chartres, 23 à Lille et à Clermont-Ferrand, 24 à Bordeaux et à Paris, 26 à Lyon et 27 à Strasbourg. Et puis la pollution, c'est mauvais aujourd'hui. Les indices sont compris entre 4 et 6. Ça monte même à 8 sur le nord, à Douai, Lille, Lens et Béthune. Et toute l'actu tout de suite sur Skyrock, c'est parti. L'alcool n'est plus tendance, c'est à la une du Parisien ce matin. Le budget consacré à l'alcool a fortement baissé cette année. C'est la première fois que ça arrive depuis 2008. Les bars sont moins fréquentés et même la consommation à la maison est en nette diminution. 96% des foyers continuent de s'en procurer, mais à peine 10% des sondés déclarent en boire tous les jours contre 15% en 2010. Pas sûr que ces résultats soient les mêmes pendant l'euro qui débute dans 3 jours. Un incendie meurtrier hier soir à Saint-Denis en région parisienne. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 11 blessés dont 2 graves. Le feu s'est déclaré pour des raisons encore inconnues dans un immeuble qui n'était pas vétuste puisque assez récent, des dizaines de pompiers sont intervenus. Une partie de la cage d'escalier s'est effondrée, ce qui rend les opérations de recherche encore plus difficiles. Ils sont finalement tombés d'accord. Les syndicats des pilotes d'Air France seront bien en grève ce week-end du 11 au 14 juin. Ils protestent entre autres contre le changement de certaines règles de calcul de leur rémunération. Les courts et les moyens courriers devraient être concernés en priorité. Le personnel navigant a aussi déposé un préavis pour la période du 27 juillet au 2 août. Un policier entendu aujourd'hui par l'IGPN, la police des polices, il devra s'expliquer sur un jet de grenade qui a grièvement blessé un manifestant en marge d'une mobilisation contre la loi travail à Paris. La victime est sortie du coma hier. Une enquête pour violence a été ouverte. Le gardien de la paix dit avoir voulu protéger ses collègues. Par le sport maintenant, les nouvelles du Mercato et des news de David Ginola. C'est la guerre des petites phrases, soit pour doucher les ambitions de certains, soit pour faire des appels du pied à d'autres. Simeone, par exemple, restera à l'Atlético selon Griezmann. Le coach argentin a discuté, c'est vrai, avec Paris, mais restera donc finalement à Madrid, ce qui sauve au moins temporairement Laurent Blanc. Samuel Umtiti laisse une porte ouverte. Le défenseur lyonnais ne sait pas encore s'il va rester ou partir. Les rumeurs l'envoient au Barça. Il estime que tout est possible. Enfin, Marquinhos sera-t-il à Paris à la rentrée? Le Brésilien dit vouloir se concentrer sur la Copa América, mais reconnaît également des discussions avec Barcelone. Champion, mon frère! Ouais. Ne pas pousser le bouchon trop loin, c'est ce que retient David Ginola 3 semaines après son malaise cardiaque. L'ex-international va mieux et il doit sa vie entre autres à Giroud. Un massage cardiaque a été prodigué au moment où il s'est effondré. Les gens présents sur place ont réagi très rapidement. Il continue de se reposer, mais il a la pêche quand même et il sera bien sur M6 pour commenter les matchs de l'Euro. Et ben voilà une bonne nouvelle. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le prochain rendez-vous. C'est une belle journée, un beau mardi, les 7h05. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Et c'est l'heure de gagner de l'argent. N'oubliez pas, tout à l'heure, avant 7h30, vous gagnez vos écrans plats. On vous offre votre télé Samsung, la toute nouvelle télé Samsung, elle est pour vous à gagner dans Info ou Mytho. Le rendez-vous, c'est à 7h20, tout à l'heure. Bon! On a quoi à faire? Les conseils, pas chers. Moi, je vais me lancer dans la coiffure ce matin. Alors, vous allez voir que ça peut rapporter de l'argent. On va même faire le test en direct pour vous le prouver parce que c'est bien gentil d'avoir des idées pour gagner des sous. Encore faut-il les vérifier comme tu le fais tous les matins. Démonstration en direct sans filet, sans trucage. Exactement. Mm-hmm. Vous me verriez avec la coiffure de Pogba, ça m'irait bien. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça t'irait bien. Non, mais tu pourrais te raser sur les côtés, ouais. Je mettrai un coq là. Tu veux que je te le fasse? Et de l'autre côté, j'écrirais Diff Boom. Ouais, Diff Boom. Parce qu'il a écrit Pog Boom d'un côté et il a un coq de l'autre. Ouais, c'est pour que tes autres joueurs se souviennent de lui. Et concernant ta proposition, Romano, non, je vais te laisser faire les familles. Non, mais si tu veux, je fais une petite démo famille. Et puis si t'es satisfait, je sortirai la tondeuse pour ta chevelure. C'est gentil. Wow. Pour ta chevelure ou pour m'achever, ça dépend. Oui, aussi, ouais. C'est possible. Tu as fait un test sur tes cheveux, non? Ouais, ça a raté, ouais. J'ai testé des produits, c'est pas bon. C'est tombé. Bon, là, on va voir si ça va tomber aussi. 1 500 € à gagner. Hier, c'est tombé dans le 77 chez Ludovic. Ce matin, c'était pour vous. C'est parti. Le jeu des 1 500 €. C'est 1 500 € cash à gagner si tu réponds Skyrock. Tiens, dites-nous quel est le footballeur qui a la plus belle coupe de cheveux, que vous trouvez le plus sexy. Là, on en reparle tout de suite. Mais avant ça, j'ai réussi à ouvrir l'enveloppe. Waouh, ouais. Wow. Ah, ma maladie. Alors qu'il a une tendinite. Ma maladie commence à. Je commence à la détruire. Ouais, c'est ça. Je commence à lutter contre ma tendinite à l'épaule gauche. 1 500 €. Alors, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un qui habite dans le 17, file en Charente. Maritime, à Royan, chez les Cholons. C'est parti, petit coup de fil au Cholon. Léo Cholon qui a été tiré au sort. Pour gagner, c'est facile. Vous avez un téléphone, on a tous les numéros, on peut vous appeler ou alors vous pouvez même vous inscrire sur l'appli Skyrock par exemple. Allô, allô. Allô. Madame Cholon. Oui. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, moi aussi, ça va bien. Bienvenue, Madame Cholon, on est en direct à la radio ce matin. En direct à la radio. Exactement, nous sommes à la radio dans toute la France et on vous appelle ce matin pour vous offrir des sous, Madame Chelon. Ah bon? Eh oui, on a 1500 euros à vous offrir, Madame Chelon. Un gros chèque. Il suffit de répondre à une question. Je vais vous demander quelle est votre radio préférée. Ma radio préférée. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1500 euros. C'est comment votre... Pour l'instant, je pense que c'est RMC. Aïe, Chelon, c'était Skyrock au téléphone. Ah, Skyrock, oui. Moi, j'écoute toutes les radios, alors. Bah, c'est bien, il y en a pour tout le monde. Bah, il faut s'arrêter sur la nôtre, madame Chelon. Oui. C'est comment votre prénom? Ninfa. Ninfa? Oui. Ah, parce qu'on a un rappeur qui s'appelle Niska et qu'on passe sur Skyrock. Vous avez presque le même nom que lui. Venez nous écouter. Venez nous voir, madame Chelon. On vous souhaite une belle journée. Au revoir, madame Chelon. Et bonne journée à vous. Et vive Royan. Eh oui. Royan, oui, voilà. C'est et voilà, c'est ça, c'est chez vous. Il fait beau, il fait beau. Ah, bah, vous avez bien de la chance. Eh bah, profitez. Salut, madame Chelon. Au revoir. Au revoir. Et 1500 euros à gagner dans moins d'une heure. On recommence, hein. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Le morning de Difool. MSD dans le morning de Difool. On est chaud. 6h-9h sur Skyrock. Pa, pa, pa, pa. Les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré tout penser de terre. Après démarrer, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le pas, tu payes en caisse. Le bon qui va gérer mes vêtements. Et MHD, ça tue pas les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Wallé. Faut que les jaloux, j'y vois pas vite. À 11h, je vis ça avant. Gardez, appétit. Quand je marche la boule à tout Brésil. Imbécile, veux pas moi d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit. Gati appétit, appétit. Gati appétit. Gati appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me méprise mes gars, faut me prévache. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. La ouais, est-ce que belle, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte. On se tue l'air, et c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus tu l'air quand la ligne reste crasse. Ngaté, appétit, quand je veux voir, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngaté, appétit, Ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit, Ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit, quand je veux voir, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, gati appétit, appétit. MHD sur Skyrock, MHD avec Afro Trap partie 5. Dans un instant, c'est Drake qu'on va retrouver sur Sky. Et attention, voici maintenant les joueurs de foot et leur coupe de cheveux. Ça peut permettre de gagner de l'argent, ça peut vous permettre de vous faire des sous, peut-être. Je me présente Johnny Bigoudi, coiffeur de footballeur. Johnny Bigoudi. Oui, d'ailleurs, il nous a laissé un message, Johnny Bigoudi. 28 ans, il adorait la coupe de Barthès. Ah oui. C'était une des meilleures. La coupe de Franck Lebeu, c'était la même à peu près. À peu près, ouais. Pas mal du tout. Sinon, je regardais les messages que vous nous avez laissés. La coupe de Paul Pogba vous plaît. Ce qui est bien avec Paul Pogba, c'est que c'est un spectacle, ces cheveux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui aux cheveux? C'est vrai, ouais. Alors, la dernière fois, c'était un coq et Pogboum écrit. On verra pour le prochain match, le match contre la Roumanie. Ce sera vendredi et on suivra ça en direct sur Skyrock. Et oui, dès 21h, le match de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ah, tiens, encore Paul Pogba. Miss Flo, elle adore Paul Pogba. Il y a Jazz aussi qui nous dit, il faut vraiment que je vois un match de l'Euro. Ah, bah oui, bah oui. Ne t'inquiète pas, tu n'en as pas raté, ça n'a pas commencé. Je cherche une nouvelle coiffure depuis des mois. Si je pouvais, bah écoute, tu regardes le match. match. Hein. Ah bah, y a pas de problème. Fais appel à mes services, Johnny Bigodi, pour vous servir. Et tu peux te faire n'importe quelle coupe, il suffit d'avoir des cheveux. Ouais, ouais. Clément du 53, lui, il a pas de chance. J'ai déjà fait une coupe style Pogba, mais c'était un peu raté. C'était pour un mariage, je me suis tapé la honte. Ah ouais, merde, ah, ouais, c'est con ça. Faut faire appel au bon coiffeur, le coiffeur qu'il faut, c'est Romano. Johnny Bigoudi. Ah pardon, Johnny Bigoudi, c'est son nom de scène un peu. Oui, c'est mon nom de coiffeur dans le milieu. Eh bien c'est parti, voici les conseils pas chers, on va voir si ça marche cette histoire. Romano, Romano, le plus grand escroc de la radio, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et à 7h12, l'heure des conseils pas chers a sonné. On a pris des numéros au hasard dans toute la France. À toi de te faire des sous, Romano, coiffeur pour footballeur, ça rapporte. Oui. Oui, bonjour. C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude ? Oui. Oui, bonjour, je me présente Johnny Bigoudi, je suis le coiffeur officiel des Bleus, vous savez, l'équipe de France. Oui. Et ce matin, je voulais vous proposer éventuellement de vous faire la coupe de Paul Pogba. Non, merci. Ah, je trouvais que vous aviez le visage parfaitement harmonieux et ça vous irait merveilleusement bien, une magnifique crête à la Pogba. Merveilleux. Et je mets votre prénom, Jean-Claude, et boum à la fin, Jean-Claude Boum. Jean-Claude Boum. Ça, c'est la classe. Ah ben pour les collègues et tout ça, pour la famille, ça va être merveilleux. J'arrive dans 5-10 minutes, je vous rase un peu, je vous fais les petits dessins, c'est pas cher, c'est 200 euros. Ah d'accord. Ah ben c'est pas cher, vous savez que Pogba, ça lui coûte 800 euros. Ah là, je vous fais une sacrée réduction là. Ah oui. Alors, je passe dans 5-10 minutes ? Non, non, merci. Ah ben vous mettez la tête dans l'évier, je vous lave la tête et après on attaque. Hein. D'accord, la tête dans l'évier, oui, mais moi je la récupère. Ah ben oui, non mais la tête dans l'évier pour la laver, hein, je vais pas vous la couper. C'est juste histoire de vous laver la tête, quoi. Non, non, merci. Ou votre femme, une coupe à la Pogba pour votre femme. Ah non plus, je crois pas, je ne pense pas. Ou alors c'est de Griezmann, je la rase sur les côtés et je lui fais un balayage sur la droite ou sur la gauche. Oui. Par contre, vous êtes qui ? Parce que Johnny Bigoudi, le coiffeur officiel des Bleus. D'accord, oui. Johnny Bigoudi au ciseau d'or, c'est comme ça qu'on m'appelle. D'accord. Bon, bah, j'arrive. D'accord. Non, non, mais. Ah, bah, si vous avez dit oui, vous avez dit d'accord. Non, merci. Ah, si, moi, attendez, je témoigne, je suis juge. Oui, c'est. Il a dit d'accord. Eh bien, j'arrive alors. Merci. Mets la tête dans l'évier, je te dis. Bonne journée. Salut, toi. À tout à l'heure, Jean-Claude. Au revoir. Ah, et c'est pas Pogba qui a un coiffeur à 800 euros. C'est Aubameyang. Aubameyang, ouais, qui a un coiffeur à 800 euros. Oui, parce qu'en fait, il le fait venir de France en avion déjà. Donc, il fait. Forcément. Oui, il fait Paris-Allemagne. Donc, bon, forcément, ça coûte un peu cher. Paris-Dortmund. Il y avait donc un reportage dans 66 minutes. Écoutez les réactions des gens dans la rue sur les coupes des footballeurs. Orage et désespoir. C'est vraiment monstrueux. Non, vraiment pas beau. J'aime pas. Il aime pas. Le deuxième. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Là, je trouve ça va pas du tout, quoi. Ah oui. Ça fait un peu punk foot. Voilà, la deuxième réaction. Ah là là, ça va pas du tout. Et la troisième. On dirait la décrotte de pigeon. Enfin, on dirait un poussin. Enfin, il est pas beau. J'aime pas. Voilà. Donc, si vous voulez vous aussi déclencher ce genre de réaction, n'hésitez pas, faites appel à Johnny Bigoudi, coiffeur officiel des footballeurs et de Skyrock ce matin. C'est le morning de Difool. Come on in, show, show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Baby, I like your stuff. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Tell me, I need to know. Where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, le son de Drake, c'était One Dance. Il est 6h18 et à 6h18, on va jouer ensemble. C'est l'heure de gagner vos écrans, les télé Samsung. La toute dernière télé Samsung est à gagner. Smart TV 4K. Enfin, il n'y a pas de mieux. Hein. Vous pouvez la choper. C'est maintenant. C'est 101 cm de bonheur. Vous en prendrez plein les yeux, comme ils disent. Oui, plein les yeux avec la télé Samsung. On vous l'offre dans Info Mytho tout au long de cette semaine. Bah, c'est pour regarder les matchs de l'Euro. On s'est dit que c'était une bonne idée. Votre télé, vous pouvez mettre n'importe où. Elle est pour vous. Il faut me dire déjà, pour la première question, la question de sélection, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous raconte une petite story qui s'est déroulée au McDonald's à Besançon, à côté de Besançon, précisément. Il y a deux hommes qui ont tenté dimanche de braquer un McDo, mais pas de chance car Ronald McDonald était là, il était présent pour un anniversaire. Et qu'a fait Ronald McDonald? Il s'est jeté sur eux pour les faire fuir. Info ou mytho, Ronald McDonald a sauvé la caisse du McDo lors d'un braquage à Besançon ce dimanche. Si c'est vrai, vous envoyez info au 41 759 ou alors avec votre appli. Et si c'est faux, vous faites la même chose, mais vous envoyez mytho toujours au 41 759 ou alors sur l'appli, vous laissez bien vos numéros de téléphone et le premier ou la première se retrouvera avec nous pour tenter de gagner la télé Samsung qu'on vous file tous les matins dans Info Mytho. On vous souhaite bonne chance. Vite, vite, vite. Et on vous retrouve en direct sur Skyrock dans 3 minutes. Là, il est 7h19. Oui. Et on aura le nouveau soprano à vous passer tout à l'heure, avant 8h du matin. Il est pour vous, il est pour nous. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric. Je suis à la journée mondiale des donneurs de sang et je viens de rencontrer Malika. Alors Malika, on est sur Skyrock, tu peux nous dire pourquoi c'est important de donner son sang? Bah, c'est important de donner son sang parce que ça sauve des vies. Comme tu le sais, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir sauver des vies, sauf si on est médecin ou pompier. Et bah là, c'est un geste simple. Quand on donne son sang, on sauve des vies. C'est vrai que vu comme ça. Merci Malika pour ton témoignage. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Les 200-300 bornes, j'ai encore au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits .s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Je suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso. C'est quoi ces photos dans le salon? Ah. T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale, j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton compte. conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la Banque Postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Soch présente. Eh, tu sais quoi? Je suis pas chez Soch. Oh mince, je suis pas chez Soch. Bah, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, super! J'ai passé chez Soch. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soch Promo. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soch.fr. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et on est là sur Skyrock et tous les matins avant 9h, on vous file votre télé Samsung. Elle est à gagner avec Info ou Mytho. Ouais. Et on en parlait il y a un instant. Il faut me dire si c'est vrai ou si c'est faux, cette magnifique histoire que je vous ai racontée, qui s'est déroulé dimanche au McDonald's, à côté de Besançon. Deux hommes ont tenté de braquer le McDo, mais pas de chance pour eux. Ronald McDonald était là pour fêter un anniversaire. Et il a mis les holas, Ronald. Ouais, il s'est jeté sur eux, les a fait fuir. Alors, on vous demandait si c'était vrai ou si c'était faux. Et on a Clément en direct avec nous à Angoulême. Bonjour Clément. Salut Clément. Clément qui va tenter de gagner, La télé, elle est pour toi Clément ce matin. Ça marche. En tout cas, on va essayer. Hein. Ouais, on va essayer. Alors, mon histoire du McDo, c'est vrai ou c'est faux? C'est un mytho. Et oui, c'est un mytho. C'est pas Ronald McDonald qui les a fait fuir. Bon, les deux braqueurs n'ont pas eu de chance, puisqu'ils se sont retrouvés au McDonald's au milieu des gars du GIGN qui s'est arrêté pour manger un petit hamburger. Ah bah dommage. C'est ça. Donc il y avait quelques membres du GIGN. Je crois qu'ils étaient deux, ouais. Je crois qu'ils étaient. Ah, ils étaient deux. Deux membres du GIGN. Oui, ils étaient deux. Ils étaient en civil mais armés. C'est pas de chance. Pas de chance pour les braqueurs. Et oui, c'était pas leur jour, les braqueurs. Ah ouais. Bon, bravo Clément. Après les deux braqueurs les plus malchanceux du week-end, on va voir si t'as de la chance maintenant. Tu es qualifié pour jouer. Et tu as deux histoires. Deux grands journalistes. Et deux grands journalistes qui vont te les raconter. Cédric d'un côté, ouais. Romano de l'autre. Attention, il y a un mytho, il faut le détecter. T'es prêt Clément? Ça marche, je suis prêt, allez. Ah bah on y va. Info, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Romano, alors? Alors, moi, c'est la police italienne. Ils étaient au bord de la route en train de surveiller. Oui. Et là, ils voient une Ferrari monter sur un camion, tu sais, un camion de transport. Ils disent, c'est bizarre, la Ferrari est étrange. Mmh. Et ils décident de contrôler la Ferrari. En fait, ils se rendent compte que la Ferrari n'est pas du tout une Ferrari. C'est en fait une Toyota MR2, un vieux modèle de Toyota des années 90 qui a été modifié avec une fausse carrosserie. Et en fait, c'est une fausse Ferrari. Et a priori, il y a un trafic d'organisé, un trafic de fausses Ferrari qui traîne. Info ou mytho? T'es content, t'achètes une Ferrari? Tu récupères le moteur d'une Toyota. Ouais, c'est ça, ouais. Même si Toyota, c'est pas mal, t'es quand même déçu. C'est clair. Bah, c'est pas le même prix que Ferrari, quoi. Non, pas pareil. Et puis ça a pas la même puissance non plus. Non, non plus, non. Alors, ça, c'est l'info de Romano. Info voiture Toyota Ferrari. Tu retiens bien, Clément. Ouais, écoute bien celle de Cédric maintenant. Alors, moi, c'est une info foot. Dimanche, lors du match amical Belgique-Norvège, oui, qui se passait à Bruxelles, les Belges, ils sont trompés d'hymne, en fait. Ils ont passé l'hymne de la Suède au lieu de l'hymne de la Norvège. Et qu'on s'est trompé, hein, qu'on a passé l'hymne des Suédois. Bah, ouais, que la fanfare, elle s'est trompée. Et les joueurs, en fait, de la Norvège, ils comprenaient pas ce qui se passait, mais les Belges non plus. Ah ouais. Personne ne comprenait rien. Je te jure. Bah, qu'on comprend rien. C'est de la musique. Alors, Clément. Qui dit vrai, qui dit faux? Moi, je dirais Cédric Mytho et Romano Info. Moi aussi, parce que j'ai entendu une info comme quoi c'était trompé dans un stade, mais c'est pas en Belgique. Ah. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'aurais dit Uruguay. T'aurais dit Uruguay? Ouais. Eh ben, ouais, t'as bien raison. C'est gagné. Oui. Bravo. Bravo. Ah, vite, vite. Et ouais, c'est gagné. Ta télé Samsung, ta télé 4K, la Smart TV, la toute dernière Samsung, 102 cm, magnifique. 101. Ah bah écoute, avec moi c'est toujours plus fort. Ah bah tu tires un peu dessus, ça sera 102. Ouais, voilà, on verra ça. Eh bah c'est super ça Clément. C'est super, au top. Et donc ça s'est bien passé en Uruguay, ouais. Ils se sont trompés. Ouais, ouais. Et la fausse Ferrari, elle existe bel et bien. Donc faites attention si vous voulez acheter une Ferrari. Mmh. Et c'est pas la première fois, parce qu'une année, moi j'étais en vacances en Sardaigne. Oui. Et il y avait déjà les policiers qui avaient chopé une fausse Ferrari. A priori, c'est la grande mode. Faites gaffe, il y a pas que des faux sacs Chanel. Il y a aussi des fausses Ferrari, ouais. Fausses c'est pas Ferrari. Le même prix, mais bon. On préviendra SCH. Hein. Ouais. Salut Clément, bravo à toi. Télé salut, pour toi. Bonne journée. Salut, bonne journée, merci. Clément. Ah bah bravo Clément. Tiens, ciao. Grosse nouveauté à écouter sur Skyrock dans allez 10 minutes. On vous passe le nouveau Soprano. Si vous l'avez pas encore entendu, il était hier soir à découvrir en direct et en exclu sur Skyrock dans la radio libre. C'est même Sopra qui nous l'a amené. Il est en pleine forme Soprano. Hein. Un extrait de son nouvel album. C'est déjà sur Skyrock. Bon, dans 10 minutes on se met ça. Et là tout de suite petit tour chez Florida. Oui, dans sa maison. On écoute Florida My House juste avant les infos de 7h30 sur Skyrock. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house, baby. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the down. Brakes, hit the brakes, we don't have to go. Cheers to this. Welcome to my house. It's my house, c'était Florida sur Skyrock. Allez, la télé Samsung est tombée, c'est bien. Et c'est pas fini, hein, parce que d'ici 9h, il y a encore 1 500 € qui vont tomber dans pile une demi-heure, puisqu'il est 7h30, juste après les infos de 8h. Vous gagnez 1 500 €, il suffit de répondre Skyrock. Les places de foot sont tombées aussi, c'était Allemagne-Pologne qu'on a filé ce matin. Ouais. Et oui, un grand bravo à vous qui faites tourner tout au long de la journée. Et un grand bravo à notre gagnant ce matin, c'est Mehdi. Il nous appelait tout à l'heure et qui ira voir le match de l'Euro. Les matchs de l'Euro à choper avec le Crédit Agricole, c'est tout au long de la journée sur Skyrock. 200 places encore cette semaine. Et pour vous, dans le morning. Et à 7h30 dans le morning, c'est l'heure des infos. Les infos, c'est avec Rémi, notre star de l'info. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de star, le réveil de star, c'est tout à l'heure dans 20 minutes. Ouais. Et oui, réveil de star. Quelle est la star qui réveillera les familles ce matin? On vous dit tout, mais d'abord, Rémi, dis-nous tout sur la météo pour aujourd'hui. Ouais, et on a 15 départements en vigilance orange ce matin. 7 pour inondation, vous le savez, ça c'est dans le centre, en Normandie. Mais 8 qui viennent de s'ajouter dans le nord, entre le Pas-de-Calais et la Meuse, hein, pour des orages. Il fait beau ce matin, sauf sur le Limousin, l'Auvergne et la Haute-Normandie. Et puis retour des orages et des averses quasiment pour tout le monde cet après-midi, excepté sur les régions du sud et sur la façade atlantique. Les températures ce matin, comprises dans le nord, entre 11 et 17 degrés, 14 à Lille, Lille et 17 à Paris, de 14 à 19 dans le sud, 15 à Lyon et 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 au Havre, 20 à Caen, 22 à Chartres, 23 à Lille et à Clermont-Ferrand, 24 à Bordeaux et à Paris, 26 à Lyon et 27 à Strasbourg. Et puis la pollution, c'est mauvais aujourd'hui. Les indices sont compris entre 4 et 6. Ça monte à 8 dans le nord, à Douai, Lille, Lens et Béthune. On a étudié le cas Giroud. Dans un instant, on vous donne les statistiques de Giroud en équipe de France. Mais d'abord, toute l'actu avec toi, Rémi. Et les ultimes négociations hier sur le temps de travail à la SNCF, la CGT et Sudrail maintiennent la grève en attendant les arbitrages. Septième jour de mouvement consécutif, le trafic est toujours perturbé, même si c'est mieux qu'hier. Comptez 4 intercités sur 10, 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10. François Hollande appelle ce matin dans la Voix du Nord à cesser la grève. Un fonds d'urgence de plusieurs millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, annonce faite hier par Manuel Valls. On l'a dit dans la météo, la décrue est engagée partout sauf dans l'Essonne où la prudence reste de mise. L'état de catastrophe naturelle sera décrété demain en Conseil des ministres. Un incendie meurtrier hier soir à Saint-Denis en région parisienne. Le bilan provisoire est lourd, il fait état de 5 morts et de 11 blessés dont 2 graves. Le feu s'est déclaré pour des raisons inconnues dans un immeuble assez récent. Des dizaines de pompiers sont intervenus. Une partie de la cage d'escalier s'est carrément effondrée, ce qui rend les opérations de recherche très délicates. Des interrogations autour d'une arrestation en Ukraine. C'est un Français salarié dans une coopérative agricole de la Meuse qui a été interpellé. Le jeune homme de 25 ans transportait dans sa camionnette un véritable arsenal avec des lance-roquettes, des fusils et des munitions. Les autorités ukrainiennes affirment qu'il préparait une série d'attentats en France pendant l'euro. La France reste prudente et ne se prononce pas pour l'instant. Une enquête a été ouverte. Dernier jour pour les Britanniques qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales. Les Anglais voteront dans 2 semaines pour ou contre la sortie de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Brexit. Le out est passé en tête pour la première fois dans les sondages, ce qui met la pression à David Cameron. Le Premier ministre s'est positionné en faveur du maintien dans l'Europe. Si les urnes lui donnent tort, eh bien il sera fragilisé et certainement contraint à la démission. On fait le point sur le sport et on va parler de Giroud, du foot avec Giroud et quelques chiffres en équipe de France. Le cœur bleu à la une de l'équipe ce matin. Le quotidien sportif qui revient sur les stats de Giroud qui a été sifflé, vous le savez, par le public de Nantes lundi dernier. On ne triche pas avec les chiffres et on doit bien reconnaître que l'attaquant d'Arsenal fait mieux en équipe de France que Benzema. Avec 17 buts inscrits en sélection depuis 2012, il est le joueur qui s'est montré le plus décisif sous l'ère Deschamps. Alors les stats que je vais vous donner ont été réalisés après 49 sélections. Benzema est à 15 buts. Le premier, c'est Trezeguet avec 28 réalisations devant Henry qui pointe à 20. Anelka complète le top 5 avec 11 et donc Giroud s'intercale entre tout ce monde avec 17 buts, ce qui est pas mal du tout. Un dernier chiffre, hein, Giroud cadre plus d'une frappe sur deux à 52,9%. Il claque un but tous les 5 ou 6 tirs. Les obsèques de Mohamed Ali qui se préparent à Louisville dans le Kentucky, elles auront lieu vendredi. 6 personnes porteront son cercueil, dont Will Smith qui avait incarné le boxeur au cinéma en 2001. Les deux hommes étaient depuis restés proches. Merci Rémi pour les infos. On revient à l'actu dans une demi-heure. Hein. Ouais. Tout à l'heure, juste avant les 1500 euros. Il est 7h34 sur Skyrock. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Et on a appris 2 trucs depuis ce matin. Enfin, entre autres, on a parlé d'alcool ce matin. Ouais. 2 chiffres en contradiction. Selon Le Parisien, le journal, l'alcool, ce n'est plus vraiment tendance. Et selon un autre sondage qui a été fait, 8 Français sur 10 vont boire les soirs de match. Alors, qui dit vrai, hein? Bah, l'alcool revient tendance avec l'euro. Peut-être, c'est peut-être l'euro qui va sauver la filière alcool. Nous, on va défendre la filière alcoolique de France, car quand même... Ah bah, nous avons des alcooliques dans l'équipe. On a une réputation à défendre, pas simplement dans l'équipe, mais en France en général. D'ailleurs, quand on regarde les pays où ça boit le plus d'alcool en Europe, il y a en 1, la République tchèque. Ils nous ont dépassé, les Tchèques. Ouais. En 2, l'Autriche. Ah, les Autrichiens. En 3, l'Irlande. Et en 4, quand même, les Français. Ah, quand même. Quatrième pays sur plus d'une vingtaine de pays en Europe. Bravo la France. On est encore quatrième malgré la baisse de la consommation d'alcool. Moi, je ne pourrais pas refaire monter la France en première place tout seul. Ah, il faut l'aider, hein. Faut aider. Ah ouais, parce que moi, je m'en fous déjà plein la gueule, mais pas assez, a priori. On va faire un test ce matin et on va vous faire même un sondage express. Vous allez pouvoir vous exprimer au 41759 ou sur l'appli Skyrock. On aime bien savoir ce que vous en pensez. Et alors là, dites-nous de quand datent vos dernières cuites. Et si vous avez jamais bu, bah, vous nous dites, j'ai jamais bu. Donc, comme ça, on va voir un petit peu quel est le taux d'alcoolique. Pas le taux d'alcool dans le sang de carriole, hein, parce que là on explose tous les... Non mais déjà il faut retrouver le sang quand on fait une prise de sang. Explosion des statistiques. Mais le taux d'alcoolique parmi ceux qui nous écoutent le matin, enfin alcoolique, ou qui aiment se faire plaisir de temps à autre. Ben oui, hein. Lever le coude. Exactement, hop là, moi je peux pas lever le coude, c'est vrai que j'ai une tendinite. Ouais, on sait. Non mais je suis sûr, hein, j'ai une tendinite, je ne peux pas lever le coude. Coupez-lui le bras. Mais pourquoi tu veux me couper le bras? Ben moi comme ça t'auras plus mal. Vous avez remarqué, Romano est pas très gentil avec moi. Hein. Oh non mais attends, ça va bien au bout d'un moment. Pas gentil du tout. Bon, on s'occupe de ça, qu'est-ce qu'il y a, Romano? Ah bah j'ai un petit truc à te faire écouter, tiens. Depuis le jeudi 2 juin. Ah,

Le diable s'habille plus en Prada, c'est le nouveau Soprano, une découverte Skyrock. Vous l'avez découvert hier soir dans la radio libre. Il était là, Sopra, il nous annonçait aussi sa venue au stade Vélodrome. Il sera au Vélodrome le 7 octobre 2017. Il fait son stade, Sopra. Ouais, le Vélodrome, tout pour lui. Gros, gros événement, c'est à pas louper. Il sera avec Sky, évidemment. Il sera aussi à Bercy. Il a jamais fait Bercy, Sopra. Non. Ça aussi, c'est en 2017. Quoi, il a déjà fait des trucs, mais jamais en solo, quoi. Ah, c'est pour lui le premier Bercy en solo. Et le stade Vélodrome, donc pour Soprano, vous pouvez l'annoncer. On a appris ça hier. Et on va parler alcool maintenant. Cariole, on a entendu ta bouteille de blanc. Sois discrète, Cariole, ferme le micro quand tu... Le tire-bouchon, c'est entendu. Alors, on vous a posé une petite question. On vous a demandé quand est-ce que datait votre dernière cuite. Et si vous aviez jamais bu, nous le dire aussi. Quel est le pourcentage des auditeurs de Skyrock qui n'ont jamais bu d'alcool? Ouais, bah on attend ça. En tout cas, pour vous qui écoutez ce matin, j'ai les résultats. Ouais. J'attends plus, je les ai là. Ah, très bien. 29% ont jamais bu d'alcool parmi vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Ah, ouais, ça en fait plus pour les autres. Les alcooliques, prenez ça comme ça. Ah, mais ouais, mais on le prend comme ça. Et sinon, il y a 34% parmi vous qui ont pris leur dernière cuite samedi quand même. Hein. Ouais, normal. Ah, la dernière, c'était samedi soir. Et sinon, il y a un mois ou il y a deux mois ou le 31 décembre pour Sonia qui nous laisse un message. Je ne bois pratiquement jamais, mais le 31 décembre, j'ai bu pour l'année. J'étais tellement malade que je me suis réveillé le 2 janvier. Ah ouais, effectivement, ouais. Pas mal. On te fait un gros bisou, Sonia. Bon, les Français boivent moins. En tout cas, c'est ce qui est écrit ce matin dans les journaux. L'alcool, ce n'est plus tendance. Et pourtant, pour l'euro, vous m'entendez? Oui, c'est oui, bon. Les Français boiront plus. Eh ouais. 8 Français sur 10 vont regarder les matchs en se bourrant la gueule. Mais hier, je regardais à la télé, ce qui est marrant, par exemple, dans les... Est-ce que tu le regardais sur ta télé Samsung qui est tombée ce matin? Non, d'ailleurs, bah moi, je voudrais rassurer Cricri, la télé Samsung est tombée, mais elle n'est pas cassée, hein. Elle a été gagnée, oui. Ah. Ce qui est marrant, c'est que dans les fan zones, donc c'est interdit d'amener de l'alcool. Par contre, à l'intérieur, ils en vendent. The business is business. Ils sont malins. Exactement. Ah ouais, ils sont malins, ouais. Business is business. C'est-à-dire que la bière, ils vont te la vendre combien? 10 balles, non? Ah bah, on se faire plaisir. Hein. Ah bah ouais. Alors, nous, ce matin, on va relancer la consommation d'alcool en France. Direction, on a des bars? Ouais. Direction les bars de France. Mon foie ne va pas le supporter. C'est pas grave, Romano. Tiens. Le French Test sur Skyrock. Si t'as le moins de problèmes, Cédric te fera du bouche à bouche. Ah, t'inquiète pas. Ah ouais, bah, bah tu vois. Il manquerait plus que ça, tiens. Bah, écoute. Ça va mieux d'un coup. Ah, on fait bizarre. Quoi dans les bars? On va boire? Ouais, bah on va leur demander de relancer la consommation d'alcool et de récupérer un peu d'alcool ce matin gratuit. Ah, ou alors on va demander une petite réduction. Au moins, oui. Tu sais y faire, Romano, c'est un peu comme un conseil pas cher. Ouais, c'est un peu les happy hour, un verre acheté, tu l'achètes, et moi je prends le gratuit. Tu veux pas faire l'inverse, non? Non, c'est bien. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le bar. Et le café? Allô? Ouais, c'est le café. J'entends rien. Ah, mais c'est le café. C'est pas... Allô? Le café, c'est le boucher. Le mec est boucher, quoi. Ah, hey. Allô, le café. Oui. Ah, comment allez-vous? Ça va bien. Et alors, ça prépare l'euro? L'euro, tu sais, le truc de football là qui démarre ce week-end. Ah oui, c'est pas l'euro, l'euro-toto, hein. Allô? Ah, parce que quand tu bois de la bière, parfois t'as l'euro. Mais t'as été ivre-mort, mon ami. Bon, je vais venir avec un copain. Vous comprenez rien. Non, mais lui, je crois qu'il a relancé la consommation d'alcool à lui tout seul. Ah ouais. Et puis il a des trucs dans les oreilles aussi. Aussi, oui. Où c'est qu'on va? À l'Ambassibar. Ah, ça c'est la classe, l'Ambassibar. Ah ouais. L'Ambassibar. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous faites des petites soirées pour l'euro, j'imagine? Oui, ça peut arriver. Oui. Ah bah nous, on va commencer à faire la soirée ce matin, là. On est en préchauffe pour vendredi. Ouais. Je vais passer avec un copain et on s'est dit, on a trouvé une combine pas mal. Il paye un verre et vous m'en offrez un gratuit. C'est on verra ça plus tard. C'est les happy hour. Allez, bonne journée. Allez, c'est l'euro, c'est la fête. Ciao. Tiens, je rote, moi. Ciao. C'est l'euro. Non, mais il faut relancer la consommation dans l'école en France, sinon, à quoi ça sert d'être français, franchement? Rien. Ah bah oui, quand même. Vive la France, vive la bibine. Ouais, on est quatrième en Europe au championnat d'Europe de l'alcool. Ah, on a quand même à la place du con. Bah oui, quatrième, on n'a même pas de médaille. Ah bah oui. Battu par les Tchèques, les Autrichiens et les Irlandais. Bon, merci en tout cas pour ce petit tour dans les bars, c'était pas mal. Tu vois, Romano, ton foie va bien, t'es pas tombé. Non, c'est bon, tout va bien. Pas de bouche à bouche de Cédric. Eh bien, je suis sauvé. Je suis déçu. On pourra boire vendredi. Vendredi soir, on suivra le match en direct, ouais, le match France-Roumanie. Tu voudras boire? Ouais, je vais amener un pack. Ouais, si tu veux, on fera comme les Français, mais avec modération, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Ah, bien sûr. 7h45, dans une minute, l'horoscope de l'amour arrive. Et notre réveil de star, une star vient réveiller les Français. On vous la présente dans un instant. C'est sur Skyrock dans le morning. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire.

raison. Soukupil et Nibissa sur Skyrock, on écoutait Mike Posner, il est 7h52 pratiquement sur Skyrock, c'est l'heure du réveil de star du jour. Le réveil de star aujourd'hui, c'est avec Estelle, Estelle Denis. De Touche pas à mon sport. Ah oui, c'est vrai, elle est sur D8, j'ai regardé une fois ce truc là. Ouais, moi aussi. C'est le générique. Ah putain, Cyril Hanouna, il lui a filé un générique de merde quand même. Oui. Parce que c'est lui qui produit. Cyril Hanouna, il est fort, il garde toutes les meilleures émissions pour lui, il refile les autres à ses potes. Il a dû lui dire, ah ma petite beauté, je t'ai trouvé un générique de merde. On l'a fait faire pour Touche pas à mon poste, ça nous a pas plu, on va le recycler. Tiens, allez hop, pas cher. Et tiens ma petite beauté. Ouais, voilà. Alors Estelle Denis qui est avec nous ce matin, bonjour belle Estelle. Bonjour. Bonjour. La femme de Raymond Domenech. Et ouais. Oui, la femme de Raymond. Non, pas du tout. Ah bah si. Mais tu es mariée avec qui? On va retrouver notre envoyé spécial, Olivier Le Foll. Salut Olivier. Mais non, c'est pas avec Olivier Le Foll, tu mélanges tout. Et Olivier Le Foll est envoyé spécial. D'ailleurs, Olivier Le Foll, le journaliste de Canal+, c'est le frère du ministre qui est jamais content. Stéphane Le Foll. Exactement, ah ouais, ministre de l'Agriculture. Ah ouais, je sais pas du tout. Si, c'est son frère. Est-ce qu'il gueule autant? Parce que le ministre, lui, il arrête pas de gueuler, il est jamais content. C'est le ministre énervé tout le temps. Ah ouais, t'as l'impression qu'il va descendre de l'estrade et foutre un bourre-pif à un journaliste. Ouais, on a trouvé plus énervé que Manuel Valls. Des coups de gueule, des clashs. Des coups de gueule avec lui, oui, tout est possible. Et ce matin, donc, on a décidé de mettre à l'honneur Estelle Denis. Estelle Denis qui s'occupe de sport sur D8, qui est toujours mariée avec Raymond Domenech. On vous le confirme. Bah en même temps, sur D8, elle va pas commenter gros de match. Elle n'en commentera pas. Il n'y en a pas. Pas de chance. Par contre, ce matin, Estelle Denis va réveiller les familles de France. C'est parti, c'est le réveil de star. Le réveil de star. Une star, un appel, on écoute. Sympa de se réveiller à côté d'Estelle. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir Raymond Domenech juste à côté. Ouais. Et ça, c'est chaud. Tu te réveilles à côté de Raymond Domenech. Déjà, t'es dérangé par ses sourcils, ça te gratte. Ah ouais, c'est clair, il en a plein. Il a tellement de gros sourcils, il suffit qu'il tourne la tête, il va te gratter. Et bon, Estelle, par contre, on prend. Allez, c'est parti. Allez, Estelle. Estelle qui réveille Olivier ce matin. On réveille un Olivier. Allô, quelque part en France. On va tout de suite donner la parole à notre envoyé spécial. Ouais. Olivier Le Foll. Salut Olivier. Salut. Je voudrais savoir là quelle est l'ambiance en bleu. Est-ce que les bleus sont abattus ou est-ce que vous ne sentez pas de changement finalement par rapport à la semaine dernière? Normalement ça devrait le faire. On devrait bien se passer au niveau de l'euro quoi. C'est l'année de l'euro, c'est un euro en France. Voilà, on a envie de s'éclater autour du sport. Oui. Bah tout le monde est pour ça, pour les bleus. Hein. On sait que voilà, c'est pas le moment où les bleus sont aussi le plus en forme. Non. Olivier Giroud est en pleine forme, tout le monde en pleine forme. Ah. Il est sympa, mais il va se dégonfler. Mais non. Non, vaut mieux pas, parce qu'après, c'est pour nous aussi, hein, c'est pour l'euro. Hein. La logique, c'est quand même d'amener les bleus en forme, justement pour le premier match face à la Roumanie, ce sera le 10 juin. Voilà. La question qui se pose maintenant, et je vais demander d'y répondre très rapidement, est-ce que c'est la fin de Karim Benzema chez les bleus? Ah, il sera pas là. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, il devrait bien à sa place, quoi. Qu'avez-vous aimé chez cette équipe de France? Que n'avez-vous pas aimé chez les Bleus? Comment avez-vous trouvé cette équipe de France? Il y a une bonne ambiance. Par rapport à avant, il y a une bonne ambiance. Ah. Racontez-nous quelle est l'ambiance. C'est plus une esprit d'équipe, quoi. Par rapport à ce qu'il y avait avant, plus une esprit d'équipe. Et on espère ne plus avoir de polémique d'ici l'Euro. Ouais, il faut y croire. Qui a récemment été nommé entraîneur de Manchester United? Était-ce un José Mourinho ou deux Laurent Blanc? José. La réponse est bien sûr la une, José Mourinho. Bien joué, bravo. Merci beaucoup Olivier. Il y a rien à gagner. Hein. Bah évidemment. Évidemment qu'il y a rien à gagner. Attends, on est sur D8 quand même. Hein, attention. Ah bah oui. Et ouais. Estelle Denis et une belle analyse footballistique par Olivier qui a répondu à toutes les questions. Et notez bien, et je suis d'accord avec lui, il y a une esprit d'équipe. Ah ouais. Une bonne esprit d'équipe. Une bonne esprit d'équipe. Exactement. Bien joué Olivier. Merci pour l'analyse footballistique. Estelle Denis réveille la France ce matin et on a parlé Euro. On vous a filé des places pour l'Euro pour Allemagne Pologne tout à l'heure. Il y en aura d'autres à gagner dans la journée. Restez bien sur Sky. Hein. Et dans un instant. Oh, en 5 minutes, les 1500 euros, c'est pour vous. 1500 euros si vous répondez Skyrock. Eh, on vous souhaite bonne chance d'avance, 7h55. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et ils mettent le paquet pour les fans de foot, hein. Dès demain, le sachet de 75 grammes de mini saucisson sec pur porc est à 92 centimes. Les mini saucissons secs à 92 centimes ? Moins d'un euro chez Lidl ? Alors là, on est hors jeu. Hein. Oh, sûr patron, hein. Et en plus, il y a le choix, hein. Nature, noix ou chorizo. J'en ramène pour la mi-temps. Toi, je vais te mettre sur la touche, hein. On est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 12,27€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat ? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 € empruntés, 1 500 € d'apport, 36 mensualités de 416,67 €, montant total du 15 000 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédit. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Oh là là là là ! La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine ! Eh oui, tentez de gagner deux places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but ! Venez vite jouer ! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Bonne journée sur Skyrock, il fait 17 degrés. Libéré, délivré. Jusqu'au 18 septembre, la Reine des Neiges et ses amis chantent à Disneyland Paris. Et en ce moment, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Offre valable pour une visite jusqu'au 28 septembre, conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Skyrock. Need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time. I can't stop this. I can't stop it. Nothing I can see but you when you Skyrock. Le morning de Difool. The morning show. 6h, 9h sur Skyrock. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Call it like a holster, baby. Say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Once you took out, steppin' at the dance. Give me the ting, I'll make me light it up. Light it up. Morning de Difool. The Morning Show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, en direct sur Skyrock, avec vos places de foot à gagner, avec vos télés à gagner. Tout ça, c'est déjà tombé. On sait jamais, ça peut retomber à n'importe quel moment. Vous savez, on est des fous. Hein. Et puis, dans un instant, comment gagner de l'argent? Alors, un petit conseil qu'on va pouvoir donner à tout le monde. Sortez les pièces que vous avez dans vos portefeuilles, que vous avez à la maison, que vous avez un petit peu partout. Et donnez-les-moi. Non. Sortez les pièces. Je crois que c'était ça l'opération. Pour vérifier un truc, vous avez peut-être une pièce qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent parmi toutes les pièces que vous avez sur vous ce matin. Attention, je vais sortir ça et on va vérifier ça tous ensemble. Restez bien dans le coin. Je suis la seule personne habilitée à le faire dans ce studio. Pourquoi t'es la seule personne habilitée? Parce que je suis professionnel, je suis monnayeur. J'ai quelques pièces dans la main. Ma pourrie en action. Tombé. Ben oui, j'ai qu'une main, Romano. T'as besoin de combien de mains pour prendre une pièce? Une main pour tenir le portefeuille et une autre main pour tenir les pièces. Ah, oh là. Et ouais, si on a deux mains, c'est que c'est bien utile. Moi perso, j'ai les deux, elles vont bien. Très bien. Bon, on s'occupe de ça et donc un gros conseil pour gagner des sous. Peut-être que vous serez plus riche grâce à Skyrock ce matin. C'est clair. Restez bien là. Plus riche grâce à Skyrock, c'est possible aussi avec les 1500 euros. On appelle dans un instant, nous allons faire le tour de l'actu avec toi, Rémi. On va démarrer par la météo du jour. Et attention, il y a des régions où ça va secouer aujourd'hui. Ouais, on a 15 départements en vigilance orange ce matin. 7 déjà pour inondation dans le centre et en Normandie. 8 dans le nord entre le Pas-de-Calais et la Meuse pour des orages. Il fait beau ce matin, sauf sur le Limousin, l'Auvergne et la Haute-Normandie. Retour des orages et des averses quasiment partout cet après-midi, excepté sur les régions du sud et sur la façade atlantique. Les températures ce matin, 12 degrés à Gap, 13 à Beauvais, 14 à Saint-Brieuc et à Lille, 15 à Lyon, 16 à Toulon, 17 à Bordeaux et à Paris et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Dunkerque, 21 à Beauvais, 22 à Amiens, 23 à Lille et à Saint-Etienne, 24 à Marseille et à Paris, 25 à Auxerre, 26 à Lyon et 27 à Toulouse. La pollution, et c'est mauvais aujourd'hui, les indices compris entre 4 et 6, ça monte à 8 sur le nord, à Douai, Lille, Lens et Béthune. Et le point sur l'actu, le sport sur Skyrock. Un incendie meurtrier hier soir à Saint-Denis en région parisienne. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 11 blessés dont 2 graves. Le feu s'est déclaré pour des raisons inconnues dans un immeuble assez récent. Des dizaines de pompiers sont intervenus. Une partie de la cage d'escalier s'est effondrée, ce qui a rendu les opérations délicates. Ils sont finalement tombés d'accord. Les syndicats des pilotes d'Air France seront bien en grève ce week-end du 11 au 14 juin en plein euro donc. Ils protestent entre autres contre le changement de certaines règles de calcul de leur rémunération. Les courts et les moyens courts devraient être concernés en priorité. Le personnel navigant a aussi déposé un préavis pour la période du 27 juillet au 2 août. La mauvaise journée hier d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, s'est rendu à Montreuil dans le 9-3. Il devait dévoiler un nouveau timbre et a eu le droit à un comité d'accueil de la CGT et des communistes. Des œufs ont été jetés, dont un qui a fini sur la tête du ministre. Pas cher l'omelette, en plus c'est bon pour les cheveux les œufs. Ah bah oui, bah non, après non. Il est parti se débarbouiller et tout et tout. Très bien. Le procès du jour qui s'ouvre à Pau en Pyrénées-Atlantiques. 4 personnes comparaissent aux assises pour avoir tué un jeune collégien de 13 ans en 2011. La victime a été tuée à coups de marteau pour un téléphone portable. Son corps a été retrouvé démembré 3 semaines après les faits. 2 des prévenus encourent la réclusion criminelle à perpétuité. C'est quasiment fait pour Hillary Clinton. Selon la presse américaine, l'ex-secrétaire d'État a enfin le nombre de délégués nécessaires pour être investi par le Parti démocrate. Elle sera peut-être la première femme à diriger les États-Unis. Les 6 derniers États ont voté cette nuit. Reste maintenant à son rival Bernie Sanders de reconnaître sa défaite. Les élections américaines auront lieu en novembre. Elles verront certainement s'affronter Hillary Clinton donc et le républicain Donald Trump. Un nouveau Français bien connu des fans du PSG, le Brésilien Rai, dont le nom a résonné au parc dans les années 90, a été naturalisé hier. Il a reçu son décret des mains de François Hollande lors d'une cérémonie à l'Elysée. Le président a estimé que les binationaux enrichissent le pays et contribuent à son rayonnement. Et on parle sport toujours. On fait le point sur le mercato. C'est parti. C'est la guerre des petites phrases, là. Soit pour doucher des ambitions, soit pour faire des appels du pied. Simeone restera à l'Atlético selon Griezmann. Le coach argentin a discuté avec Paris, c'est vrai, mais restera finalement à Madrid, ce qui sauve au moins temporairement Laurent Blanc. Samuel Umtiti laisse une porte ouverte. Le défenseur lyonnais ne sait pas encore s'il va rester ou partir. Les rumeurs l'envoient au Barça. Il estime que tout est possible. Enfin, Marquinhos sera-t-il à Paris à la rentrée? Le Brésilien dit vouloir se concentrer là sur la Copa América, mais reconnaît également des discussions avec Barcelone. Très bien, merci pour les infos Rémi. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Ouais. Et là, tout de suite, on vous offre 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Aujourd'hui, c'est mardi, et c'est le Morning de Difool. The Morning Show! En direct sur Skyrock. Et un bon conseil avec vos pièces de monnaie. Je vois que vous avez sorti vos pièces. Putain, t'en as plein des pièces de monnaie. C'est Anthony qui nous a envoyé une photo sur l'appli Skyrock. Il est plein de pièces de monnaie, Anthony. T'as combien là? 4, 5, 6 euros? Pas loin, hein? Ouais, pas mal. Tout ça en petites pièces. Eh bien, les petites pièces peuvent vous rapporter gros. Ce matin, les pièces de monnaie que vous avez dans votre portefeuille portefeuille, que vous avez dans votre porte-monnaie, eh bien, on s'en occupe dans un instant. Les conseils pas chers arrivent. Ouais, justement, rapport avec ces pièces de monnaie. Très bien. Et nous, on va vous offrir 1500 euros tout de suite. C'est là. Le jeu des 1500 euros. 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. C'est l'heure de gagner votre chèque et on va voir qui on va appeler ce matin. 1500 euros à gagner. Dans le 01. On va donc dans le 01, c'est l'un. Oui. Et on file à Oyonnax ce matin. Qui a été tiré au sort? Elodie Humbert. La Plastique Vallée. Ouais, c'est la vallée du plastique, Oyonnax. Parce qu'il y a plein d'usines de plastique. Ah ouais. Allô, allô. Allô. Bon. Allô. Bonjour, madame Humbert. Ouais. Ouais. Ouais. C'est la radio. Tu es Elodie, toi, c'est ça? Oui. Oui, on est en direct dans toute la France à la radio. On vient chez toi à Oyonnax ce matin pour te poser une question. Si. Si, j'insiste. On te pose une question. Il y a 1500 euros à gagner, Elodie. Ouais. Eh ben, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Ah, bah, c'est Skyrock. Ah, je le sentais. C'est bien, Elodie, t'as gagné 1500 euros. Non, mais c'est des conneries. Non, c'est pas possible. Et si, c'est possible, Elodie. Mais ça fait 15 ans que je vous écoute. Ça fait 15 ans, j'essaye de vous m'appeler. Eh bah, ça y est, c'était pour. C'est pas possible. C'était ton jour aujourd'hui. C'est ton jour le mardi 7 juin. Le grand jour. C'est pas vrai. Et si, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie, Elodie? Présente-toi un petit peu. Je suis comptable. Tu vas monter jusqu'à 1500 euros ce matin. Tiens. Je fais plein de fiches de paye, c'est exprès pour Romano. Ah, bah fais-moi ça une grosse, s'il te plaît. En tout cas, le gros chèque, c'est Sky qui s'en occupe ce matin. On t'envoie ton chèque. Merci, à la maison. Franchement, merci beaucoup. Ah, bah c'est toi, t'as assuré. Vous allez faire des heureux. Mmh. On va partir en vacances grâce à vous. Ah, bah c'est gentil. Envoyez des photos des vacances, Elodie. Ah ouais. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Et on est très content de te payer tes vacances. Mon mari me regarde, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment il s'appelle ton chéri? Jamel. Bah tu salues Jamel, bonnes vacances à tous les deux. Oh, merci beaucoup. Éclatez-vous comme t'es fou, compte bien tes 1500 euros. Et puis, merci beaucoup à vous. Tous les matins, je vous écoute et continuez, il n'y a pas de soucis. Bah, fais pareil, Elodie, puis quitte pas, on prend tes coordonnées, on t'envoie très vite ton chèque, il arrive très vite à la maison. Hein. Ok, merci beaucoup. Allez. Salut ma chérie. Salut, bonne journée, gros bisous à tous. Ciao. Et ce sera votre tour le prochain coup. Hein, vous répondez Skyrock. Vous avez vu, ça arrive un jour. Hein. Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. The Morning Show. It's been Harmony. The Morning Show on Skyrock. I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta do make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. put in work like my time. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight for, she take that. Put in overtime on your body. Les Fifth Harmony sur Skyrock, on écoutait Work From Home. Dans un instant, Iggy Azalea, ça nous rappelait des souvenirs, on écoutera Black Widow Baby. Et à 8h12, c'est l'heure des conseils pas chers et on vous a demandé de choper les pièces. Alors, il y en a un qui va être bien emmerdé, c'est Mehdi qui nous a laissé un message. Mehdi qui a un gros bocal avec plein de pièces à l'intérieur. Eh bien, Mehdi, il faut voilà, regarder toutes tes pièces et tu seras peut-être, grâce à Skyrock et grâce aux conseils pas chers de Romano ce matin, eh bien, bien plus riche. Millionnaire. Tu peux. Milliardaire. Milliardaire, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais millionnaire, tu peux. Alors, comment on fait? Alors, on a sorti nos pièces. Moi, j'en ai sorti plein des pièces. J'ai une pièce de 2 euros, une pièce de 1 centime, ça c'est chiant les pièces de 1 centime. Ah ouais, trop petit. Ah bah écoute, dans certains états ils ont supprimé, par exemple en Finlande, Belgique et Pays-Bas, tu n'en trouveras plus, ils n'en fabriquent plus, parce qu'en fait ils se sont rendu compte que la pièce de 1 centime à fabriquer coûtait plus cher qu'un centime. Ah bah voilà. c'est le mec qui a fait ça, c'est encore un mec qui avait du talent. Exactement. Et les pièces de 1 centime, alors par exemple les pièces de 1 centime qui ont le truc de Monaco, les pièces de 1 centime de Monaco, ça peut valoir jusqu'à 100 euros. Ah, c'est comme ça. Ouais. Donc, faut regarder. Mais c'est écrit où? Ah, t'as le dessin normalement. Oui, ça 1 centime. Monaco, Romano, ouais, regarde! Bien sûr. Elle date de quelle année? 2001! Ouais, 2001 et 2002, c'est celle qui rapporte le plus, 100 euros. Ah, j'ai 100 euros donc avec 1 centime, magnifique. Alors, les pièces de 2 centimes, 2002 et 2003 de Monaco, elles valent pareil une centaine d'euros. J'en ai une, Monaco! Ouais! Monaco, regardez, deuxième pièce. Et si elle date de 2004, bon là, ça tombe un peu, ça ne vaut plus que 50 euros. Ah. D'accord. Autrement, c'est 100 euros pour les pièces de 1 centime et de 2 centimes d'euros. Ouais, de Monaco qui ont été frappées en 2001 ou 2002. Magnifique. J'ai des 5 centimes aussi. 5 centimes? Ouais. Ça peut atteindre 50 euros. Ça dépend d'où elle est et de quelle année elle est. Il faut qu'elle soit d'où? Je ne sais pas. Moi, c'est Monaco! Monaco. Non, mais de toute façon, tout ce qui est de Monaco, ça vaut de l'argent parce qu'en fait, les tirages, ils sont faibles, donc c'est vachement cherché. Ah, c'est des pièces qui sont recherchées par les numismates. Ouais, c'est ça, les collectionneurs de pièces, donc. C'est ça. Eh ben, je suis content. Donc, dans mon portefeuille, je pensais avoir quelques centimes. En fait, j'ai des centaines d'euros, c'est la folie. Non, mais on va vous mettre sur nos réseaux sociaux la valeur de chaque pièce, comme ça, vous pourrez regarder si vous avez une petite fortune entre les mains. Ben oui, on sait jamais. Hein. Et toi, Mehdi, là, avec ton bocal la pièce, t'as pas forcément, t'as bien des pièces étrangères. Bah moi j'en ai deux bocaux. Moi j'ai un bocal. Ouais, c'est même pas des bocaux, c'est des tirelires. J'en ai rempli une à cochon et là j'en suis sur une deuxième. C'est un radar automatique en forme de tirelire. Et c'est un auditeur qui me l'avait envoyé. À chaque fois que je mets une pièce, ça fait comme si je me faisais flasher. Oh magnifique, magnifique. On salue Enzo du 28 qui nous envoie une très très belle photo avec plein de billets dessus, qui nous dit moi j'aime pas la monnaie, je préfère les billets. Ouais, moi aussi. Et ben méfie-toi parce qu'il y a des pièces de monnaie qui valent plus cher que des billets. Ouais. Et attention, direction les familles. Ce matin, je vais leur dire que j'ai un gosse qui fait la collection. Et ça serait sympa de donner quelques pièces. On sait jamais, hein, dans les pièces rouges, il y aura peut-être des trucs de Monaco. Et là, ça sera la fortune. Tu vas récupérer toutes les petites pièces rouges. Ouais, exactement. Et vous voyez que ça fait chier les pièces rouges, mais ça peut rapporter gros. Romano, le plus grand escroc de la radio, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Non mais super cette idée, Romano, ouais. je ne savais pas, tu vois, on a découvert un truc. Et il y a Souris là, San Marin, ouais c'est tout petit, c'est en Italie, c'est un petit état, mais ça vaut pas super cher les pièces de San Marin. Ah, mais il s'est renseigné sur tout, il connaît tout. Hein. Non mais je renseigne, posez vos questions. Voilà, et c'est le des États-Unis, l'euro des États-Unis, combien il coûte? Mais c'est pas un euro, des débiles. C'est les dollars. Voilà. Dollars. Dollars, ça vaut rien par rapport à l'euro. Pas rien. En tout cas, je sais pas ce que valent les pièces. Je ne sais pas non plus, mais nous, on est sur l'euro ce matin. Alors, Cédric, tu m'appelles qui, là? Alors, on appelle... Allez, Cédric, allez. Non, on essaie chez Pascal. Cédric. Allez, c'est parti chez les Français. Bienvenue sur la boîte vocale du 02. Pas de chance, la boîte vocale du 02. Si c'est la boîte vocale du 02 centimes, est-ce que c'est bien? Et si c'est Monaco, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Michel. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous allez bien au moins? Oui, ça va, oui. Ouais, ça va. Dites voir, j'ai mon gamin là, vous savez, il fait la collection des petites pièces, les pièces rouges, 1, 2, 5 centimes d'euros. Oui. Oui, est-ce que je pourrais vous l'envoyer? Je vais venir avec lui et vous lui donner... Des petites pièces, moi j'en ai pas du tout. Hein. Ah bah, donnez un billet, il fait la collection aussi. Ah bah, bien sûr. Ah bah ouais. Oui, moi je collectionne les billets de 500 euros, vous m'en mettez 2-3 de côté? Des billets de 500 euros? Ouais. Ouais, non mais bien sûr, allez, bonne journée. Au revoir. Moi, je passe à quelle heure? Ouais, demain... voilà, c'est ça. Non, t'es pas arrivé au bout de ta blague là. Non, mais c'est bien que c'est une connerie, oui. Ah non, mais je vais venir dans 5-10 minutes, moi. Ah bah, de toute façon, je suis pas là alors. Ah bah, si tu ouvres pas la porte, moi je la casse. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, bonne nuit. Ah, je fonce dedans, hein. Ouais, bonne nuit. J'ai un ami, il a une tendinite au bras, il est prêt à tout, il va péter ta porte. Je m'arrache le bras et je le fais virevolter. Putain, lui, il a pas de pièce de centime, là. Non, bah, il y en a un autre peut-être qui en aura. Ah bah, j'espère. De toute façon, sinon, dis fou, il restera. Tu vas me filer ton portefeuille. Mais non. Je vais faire une analyse. Mais j'ai déjà analysé, j'ai des pièces de Monaco. Non, mais je vais analyser mieux que ça. T'es jaloux que j'ai des pièces de Monaco? Bah, je suis sûr que t'en as pas. Bah, si, j'en ai 3. Allô? Allô, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, vous allez bien? C'est la femme de Jacques. C'est la femme de Jacques? Oui. Oui, dites voir, je vous explique. Il y a mon petit garçon là, il a 5 ans. Et vous savez, il fait la collection des petites pièces rouges 1, 2, 5 centimes d'euros. Oui. Est-ce que je pourrais vous l'envoyer, lui? Vous lui enfiler quelques-unes, ça lui fera plaisir. Ouais, d'accord. Eh ben écoutez, il peut venir vers 9h? Oui. Ah ben je viendrai avec lui, comme ça je prendrai le café. D'accord. Eh ben je vous dis à tout à l'heure à 9h. Oui. Merci bien, ma bonne dame. Oui. Moi je collectionne les billets de 500 euros, vous n'en avez pas en stock des fois? Ah non, mais vous savez, moi j'ai très peu de monnaie en plus. Hein. Ah ben moi c'est pas grave, les grosses coupures j'accepte. Hein. Oui. Bah écoutez, je passe à 9h avec le gamin et puis on verra ça ensemble. D'accord. Eh ben à tout à l'heure, merci. Oui. Merci, au revoir. Et voilà. Ça, c'est du travail de pro, ça. Tout est bien, qui finit bien. Bravo. Ah, je suis content, je l'ai bien pigeonné. Et il est content. Allez, Black Widow, Iggy Azalea, je vous l'avais promis, dans un instant, on joue ensemble. Il y a de l'argent à gagner. Oh là là là là, mais de l'argent, du foot et du gros son pour se réveiller sur Skyrock. C'est le morning à 8h18. Game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing. You used to be thirsty for me, but now you wanna be sad. Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it. Till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it. Till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a case, gonna check on your man and it's nothing but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, can't fall back or quick, 'cause this is a fatal attraction. So I take it all or I don't want you. You used to be thirsty for me, right? But now Quid au Baby. C'était le son de Iggy Azalea sur Skyrock à 8h21. 8h21, c'est l'heure du jeu. Alors, le jeu de ce matin, c'est le chronotune. 300 euros. Eh ouais, 300 euros à gagner. Vous voulez votre chèque de 300 euros, c'est facile. Il suffit d'écouter la question que je vous pose et déjà d'être sélectionné. C'est la question de sélection. En plus, c'est pour les fidèles. Si vous êtes réveillés depuis tôt ce matin, oh, je crois quand même qu'on a donné les chiffres il y a un petit peu moins d'une heure. Alors, on parlait du pourcentage des Français qui va boire pour l'euro. Ah oui, grosse consommation d'alcool pour l'euro. Hein. On a demandé aux Français si ils vont boire pour le premier match de l'euro. Ils sont 80% de ceux qui vont regarder le match à répondre oui. Et quand on dit boire, c'est de l'alcool. Bah oui. Donc 80% vont boire de l'alcool. Alors que Cédric, combien ne vont pas en boire? Bah 20%. Bien Cédric. Mais il est fort. Et alors parmi les 80% des Français qui vont boire de l'alcool, quel est le pourcentage de ceux qui vont boire de la bière? Ah. L'alcool numéro 1 des soirées de l'euro, ce sera la bière. Vous nous dites au 41-759 et sur l'appli Skyrock, quel est le pourcentage qu'on vous a donné ce matin? Pourcentage des Français qui vont boire de la bière. De la bonne binouze. De la bonne binouze pour s'ambiancer lors du premier match de l'euro. Et les autres aussi. Hein. Oui, aussi. Ah bah, ils vont toute la compétition. Hein. Et les autres matchs aussi. Ah bah oui. Alors, vous laissez vos réponses tout de suite. 41-759 sur l'appli Skyrock. Pareil, vous laissez vos réponses. Vous n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Et dans un instant, vous vous retrouvez en direct avec nous. 300 euros à gagner. C'est l'heure du chronotune. Et c'est sur Skyrock ce matin. Il est 8h23. Fifth Harmony. Les 5 filles qui enflamment la pop. Retrouvez le tube Work From Home sur leur nouvel album 727. 727, le nouvel album des Fifth Harmony est maintenant disponible. Hello les filles, c'est Sananas. Vous en avez marre d'attendre le soleil? Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-up Bar, de super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat, un teint californien et les conseils qui vont avec. Moi, je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalités dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Je suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso. C'est quoi ces photos dans le salon? Ah. T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale, j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale Intermédiaire de Crédit du Prêteur. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Condition sur sport2000.fr. On a gagné, on a gagné. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Bonjour. Bonjour. C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette. Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Ouais. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister. Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress. Vraiment ? Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, appel non surtaxé et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. La zone anti-lichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, les 4 boîtes de thon entier au naturel Petit Navire sont à 6,52€ avec en plus 50% en avantage carte. 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la lichère. 4 x 140 grammes, soit 11,64€ le kilo. Du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le morning de Diffoul en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est 8h28 et on va jouer au chronotune ce matin. Le chronotune avec une question de sélection que je vous ai posée il y a un instant. Le pourcentage des Français qui va boire de la bière le jour du match, le premier match de l'équipe de France et pendant tous les autres matchs, tu le disais Romano, mais t'as bien raison. Une bonne mousse. Alors la bière, l'alcool le plus consommé pendant les matchs de l'Euro. Oh ça va, c'est léger. Ça dépend des bières. Oui c'est vrai, mais bon. T'en as des plus chargées et on va faire ça avec Anthony ce matin, le chronotune. Anthony de Brest, non de Niort. Salut Anthony. Salut. Ça va bien Anthony, salut les deux Sèvres. T'as 18 ans Anto, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bosser ce matin? Non, je suis en train de bosser, là je suis parti à Vannes en tant que conducteur. Très bien, ça conduit ce matin et ça se démarre pas trop mal, surtout pour les la petite question. Le pourcentage des Français, on l'a annoncé ce matin, c'est combien? 72%. Bonne réponse. Bravo. 72%. Tu es donc qualifié pour jouer avec nous au chronotune. Attention, tu as 30 secondes pour garder un maximum d'argent ce matin. Attention, oui. Le chronotune. Sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Petite question facile pour toi ce matin, Anthony. Je vais te demander juste en avant. 30 secondes de nous donner. Oui, Romano. Bah, il faut quand même préciser, chaque seconde, on enlève 10 euros. Eh bien, dépêche-toi alors de me donner 5 noms de bière, vite. Cronenbourg, Desperados, Desquiles, Licorne, Corona. Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah c'est bon. Alors, oui, attendez, vérification. Tu avais dit quoi, Despines? Desquiles. Desquiles, ça existe ça? Vérification par notre jury, le jury bon, Skyrock. Bon, Desperado, ça existe, hein, ça c'est sûr. Ah bah j'en ai déjà vu plein. Cronenbourg aussi. Ah bah la Cro. Ah la Cro, elle est bonne. La Corona aussi. Une bonne Cro. Alors, Desquiles. Tequila Desquiles. C'est. Ah, c'est une, c'est une tequila? Tequila Desquiles, je trouvais. Non, mais c'est pas une bière à la tequila. Ah ah. Parce que ça existe. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, si la réponse est bonne, en combien de secondes tu nous as donné les 5? Bah là, ça ferait 240 euros parce qu'il reste 24 secondes. C'est une bière blonde. Bien joué, Anthony. Eh bah bien, voilà, donc ça fait 240 euros, tu vas t'en acheter des packs de bière avec ça. Et bien, on est au cul. Et en plus, on s'est cultivé ce matin, on a appris le nom d'une nouvelle bière. Ouais. Ah bah, c'est vrai qu'il y en a tellement, ouais. Et ben bah, avec 240 euros, tu vas pouvoir t'en payer des binous. Hein. C'est clair. Non. Mais avec modération. Ah ouais. Ah, tu t'achèteras de la tourtelle, bière sans alcool. Voilà, pas mal. Une tourtelle, la chef. Bravo, Anto. Gros chèque ce matin pour toi. On t'envoie ça à la maison. Et on te souhaite une belle journée. Salut, Anto. Merci, vous aussi. Au revoir. Ciao. Salut, Anto. Anto. Et attention, il arrive dans un instant le son de MHD. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Si c'est de tracer mon chemin, mais les jeunes sont là. Et avant 9h du matin, oh, gros son aussi. Le son de Justin Timberlake. Mais tu ne sais pas DJ. Si j'ai envie de mixer ce matin. Ah, ça s'entend. Maman j'ai mal, Justin Timberlake a retrouvé. Et un réveil de star avec une star du football ce matin. Wow. Après Estelle Denis tout à l'heure, une star du foot. Viens réveiller les familles de France, c'est à 8h50, t'as pas loupé. Là il est 8h30. C'est l'heure des infos Rémi, on fait le point sur l'actu, on va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Eh ben écoute, on a encore 15 départements là en vigilance orange ce matin. 7 pour inondation, ça vous le savez, dans le centre et en Normandie. Mais 8 qui se sont ajoutés ce matin dans le nord entre le Pas-de-Calais et la Meuse pour les orages. Il fait beau ce matin, sauf sur sur le Limousin, l'Auvergne et la Haute-Normandie. Retour des orages et des averses quasiment partout cet après-midi, excepté sur les régions du sud et sur la façade atlantique. Les températures ce matin, comprises dans le nord, entre 11 et 17 degrés, 14 à Lille, 17 à Paris, de 14 à 19 dans le sud, 15 à Lyon et 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Cherbourg, 21 à Aurillac, 22 à Biarritz, 23 à Blois et à Lille, 24 à Marseille et à Paris, 25 à Mâcon, 26 à Lyon, 27 à Montpellier, 29 à Nîmes. Et puis la pollution, c'est mauvais aujourd'hui. Les indices sont compris entre 4 et 6. Ça monte à 8 sur le nord, à Douai, Lille, Lens et Béthune. Et le poisson d'actu tout de suite, toute l'actu, tout le sport. Les ultimes négociations hier sur le temps de travail à la SNCF, la CGT et Sudrail maintiennent la grève en attendant les arbitrages. Septième jour de mouvement consécutif, le trafic est toujours perturbé, même si c'est mieux qu'hier. Comptez 4 intercités sur 10 ce matin, 2 TGV sur 3 et 6 TER sur 10. François Hollande appelle ce matin à cesser la grève dans le quotidien La Voix du Nord. Un fonds d'urgence de plusieurs millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, annonce faite hier par Manuel Valls. La décrue est engagée partout, sauf dans l'Essonne où la prudence reste de mise, puisque la rivière qui porte le même nom va atteindre son pic là dans la matinée. L'état de catastrophe naturelle sera décrété demain en Conseil des ministres. Un policier entendu aujourd'hui par l'IGPN, la police des polices. Il devra s'expliquer sur un jet de grenade qui a grièvement blessé un manifestant en marge d'une mobilisation contre la loi travail à Paris. Une enquête pour violence volontaire a été ouverte. Le gardien de la paix dit avoir voulu protéger ses collègues. Des peines plus que symboliques. Procès toujours en cours de la filiale présumée djihadiste de Strasbourg. Sept hommes sont jugés pour s'être rendus en Syrie, dont l'un d'eux est le frère d'un des terroristes du Bataclan. Le procureur a estimé que tous les prévenus se sont impliqués dans des combats en Syrie. Il a requis la peine maximale pour 4 des 7 individus, à savoir 10 ans de prison. Pas de chance pour des braqueurs du côté de Besançon. Deux individus avaient tout prévu pour braquer un McDo, sauf la présence de clients un petit peu spéciaux. Ils ont fait irruption dans le restaurant alors que deux membres du GIGN étaient sur place en civil, mais avec leur arme de service. Ils ont finalement été interpellés alors qu'ils tentaient de prendre la fuite. On fait le point sur le sport et on y va avec les stades de Giroud et du basket aussi. L'équipe revient sur les stades de Giroud, en effet, qui a été sifflé par le public de Nantes lundi dernier. On ne triche pas avec les chiffres, ça on le sait bien. Et on doit reconnaître que l'attaquant d'Arsenal fait mieux, pour l'instant en tout cas, en équipe de France que Benzema. Avec 17 buts inscrits en sélection depuis l'été 2012, il est le joueur qui s'est montré le plus décisif sous l'ère Deschamps. Les stats ont été réalisées après 49 sélections. Benzema est à 15 buts. Le premier, c'est Trezeguet avec 28 réalisations devant Henri qui pointe à 20. Anelka complète le top 5 avec 11 buts. Un dernier chiffre, Giroud cadre plus d'une frappe sur deux à 52,9% et il claque un but tous les 5 ou 6 tirs. Et puis du basket avec la finale de la Pro A. Strasbourg se rapproche du titre de champion. La SIG n'a plus été sacrée depuis 2005. Deuxième victoire hier contre l'ASVEL, 73-61. Le match 3 est prévu jeudi à Villeurbanne. Merci Rémi pour les infos. T'en trouves dès qu'il se passe quelque chose. Ouais. Je sais pas s'il y a un éclair qui débarque ici en plein milieu. Parce que là, il fait beau ce matin. C'est agréable. Je me dis après la semaine qu'on a passée la semaine dernière. Bon. Ouais, je me dis, on va prendre un truc sur la gueule d'ici la fin de la journée. C'est pas possible qu'il fasse aussi beau. Bon, Rémi, tu restes à l'affût. Je suis là, je suis là. Voilà, il est 8h34 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Est-ce que vous avez déjà fait des paris à la con avec des potes? Ça vous arrive? Parce que bon, il y a des. Oh oui, ça arrive, oui. Qu'est-ce que tu fais comme pari? Bah, par exemple, moi, quand j'allais en boîte avec des potes, c'était celui qui ramenait la plus moche. Ouais, pas mal. Celui qui boit le plus. Ah, tu devais être bon là, non? Ah, il y a plus fort que moi. Ah, non, bah, il y a toujours plus fort. C'est quoi? C'est l'alcool qui est plus fort que toi, non? Bah, non, c'est des potes qui étaient vraiment des poivrons notoires. Petite histoire à vous raconter, là. Ce matin, on va filer en Russie. Il y a un Russe de 51 ans qui a organisé un petit concours avec un de ses potes pour déterminer si son pénis était plus grand que celui de son meilleur ami. Ah. Donc, tous les deux, ils ont sorti leur kiki. Ils ont mesuré, ils ont regardé. Et lui était vexé parce que son pote en avait une plus grosse que lui. Et le pote commençait à le charrier. Non, tu as une plus petite bite que moi. Voilà. L'autre se met à lui répondre: ouais, mais moi, ma petite bite, elle a baisé ta femme. Sympa comme tout. Et alors là, embrouille. Et on va vous poser une question. On a, on a des places pour l'Europa Park à vous filer. Ouais, ou Disney, ouais. Écoute, on va faire Europa Park. Comme tu veux. Ce matin, des places pour Europa Park. Parc à vous filer. Et eh bien, vous nous dites, qu'est-ce qu'a fait le gars quand il lui a répondu: j'ai baisé ta femme? Qu'est-ce qu'il a fait à l'autre? Oui, quelle a été la réaction de notre ami russe? Oui. Pas content. Pas content, la Mélus. Donc, quelle a été la réaction de l'ami russe? Si vous avez une petite idée, n'importe quelle idée, ça peut être la bonne. Hein. Vous nous la laissez sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock et vous allez à Europa Park. avec Skyrock pour tout un week-end et pour deux personnes, c'est pour vous. Alors ce n'est pas une droite dans la gueule, non non, ce n'est pas ça du tout. Un coup de poing, non plus, c'est à peu près la même chose d'ailleurs. Une droite, un coup de poing, non. Il a pris des ciseaux. Non. Il y a Célia 54, il propose, il lui a mis un coup de pelle dans la gueule. Non, mais il y a besoin d'un outil. Allez, je vous donne un indice et vos réponses très vite. On vous retrouve tout de suite. La fin de l'histoire russe. Et tout à l'heure, on va filer en Allemagne avec notre star du jour. Le réveil de star arrive. Oh là là, on avait promis du gros aujourd'hui. Le voici, le voilà. C'est qui? Bonjour. Franck Ribéry. Eh oui, c'est Francky. C'est Francky, Franck Ribéry. Eh ben, on va bien rigoler avec lui. Il arrive avant 9h du matin, à 8h50 exactement. Il est 8h36. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. 6h, 9h tous les matins. Oh, et le super son de MHD maintenant. Maman, j'ai mal. Papa, papa. Et c'est pour les mamans qui nous écoutent. Allez, les mamans, c'est pour vous. Tu sois riche ou pauvre, au fond, c'est la même. Et même quand t'as rentre devant le tout puissant, j'essaie de garder la foi. En transit des mots, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête compte sans moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour le deux. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du business qui s'est mangé mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Ah, ah, plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit, MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec, pour maman, je suis Richard. Un œil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant le coup, j'ai dit, si je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte en mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal, on écoutait MHD sur Skyrock, MHD à 8h40. Alors, on a fait un petit jeu là, il y a un instant. On vous a demandé ce matin de nous dire qu'est-ce qui s'était passé entre les deux Russes. Vous avez raconté une histoire russe ce matin. Un Russe de 51 ans qui organise un concours. Déjà, ils sont bizarres les Russes d'organiser des concours. Avec son pote, pour savoir qui avait la plus grande bite. Eh bien, c'est son meilleur ami qui avait la plus grande bite. Ah ouais. Eh oui, pas de chance. Triste nouvelle, mais le meilleur ami a eu une bonne réflexion. Oui, non, le meilleur ami avait une plus petite bite, pardon. Ouais. Mais par contre, le meilleur ami lui a dit, oui, mais ma petite bite, elle a réussi à baiser ta femme. Là, il s'est énervé, mais que s'est-il passé? C'est la question qu'on vous a posée. La bonne réponse est arrivée en masse. Et le premier à nous l'avoir donné, c'est Stéphane de Montauban. On file dans le sud-ouest. Salut Stéphane. Salut l'équipe. Salut, salut à toi. Salut, salut Stéphane. Alors qu'est-ce qu'il a fait le russe, Stéphane? Il lui a coupé la bite avec une hache. Eh oui, il a pris une hache. C'est pour ça que je disais les ciseaux, vous étiez pas loin, mais c'était pas des ciseaux. Hein. Il a pris une hache, le russe. Oh là, je vais te couper la bite. Ah, couper, tub. Et l'autre lui a coupé la bite. Heureusement, les voisins ont vu ça, ils ont contacté la police. Il lui a coupé le pénis avec une hache. Mmh. Par contre, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas s'ils ont réussi à le regreffer. Ah, le ouais, ouais, à lui recoller tout ça. Ouais. En tout cas, je pense que la prochaine fois avant de son meilleur pote, il fera attention. Oui. Bravo Stéphane, tu sais que tu viens de gagner Europa Park, dis donc. Ouais, nickel, merci. Et bah oui, ouais, c'est gagné. Europa Park, c'est pour toi ce matin. Bravo, bravo. Oh, super, merci. Et pas que pour toi, hein, puisque tu vas pouvoir y aller qui tu veux, tout un week-end à Europa Park, l'hôtel, le petit-déj, tous les grands 8 et toutes les attractions. Il y en a 13 des grands 8. Tout ça grâce à une bite coupée. C'est la classe, merci l'équipe. On remercie d'ailleurs les Russes de s'être fait couper la bite ou d'en avoir coupé une pour que tu puisses gagner un cadeau ce matin sur ce Ouais. Annonce-le quand t'arrives à Europa Park. Je viens grâce à une bite coupée, messieurs dames. Bon, t'as fait des paris déjà avec des potes, toi, Stéphane? Non. Je reste sage, je veux dire. Moi, on va faire des paris à partir de vendredi sur les matchs de l'équipe de France. Et je vous annonce l'arrivée d'une superstar que vous attendez tous. Il sera là avec ses lunettes des Bleus, avec sa casquette des Bleus, notre pronostiqueur. Et son maillot de foot. Ah oui, j'ai oublié le maillot. Complet, ouais. Et son maillot de foot des Bleus. Et peut-être même un bandana. Tu vas être beau. Notre pronostiqueur de l'année sera Mehmet, le chien de Romano et Cariole. Tu es content, Mehmet, de venir pronostiquer. Oh, qu'il est content. Par contre, il faut lui prévoir des pains au lait. Oui, non, mais il va être reçu. On va lui préparer le petit déjeuner. Parce qu'il adore les pains au lait. Il aime les cornflakes, tout ça. Ouais, ça, il aime bien aussi, mais sans lait. Bon, on lui donnera des Chocapic. Ouais. Bah, non, pas de Chocapic. S'il y a le chocolat, et c'est dangereux pour les chiens. Alors, on lui donnera des All Brand. Non, des. Comme il faut... ça, il va chier. Mais... Des fausses teases. Non, ouais, ce qu'il adore, c'est les Kellogg's cornflakes, les normales. Très bien. Bon, mais il faut lui mettre sur un petit plateau en or. Oui, en or, ouais. Non, mais sérieux. Bah, attends, c'est une star. Non mais il ne mange que sur un plateau en or. La star des pronostics, si vous voulez pronostiquer, soyez là vendredi matin, il viendra nous voir pour les matchs de l'équipe de France. Bravo Stéphane en tout cas, bravo pour Europa Park. Merci, merci à vous. Eh ben éclate-toi bien là-bas. C'est pour toi. Merci beaucoup, je vais bien profiter, merci. Eh ben profite bien. C'est qui ton joueur préféré, ton joueur de l'équipe de France? Griezmann. Griezmann. Est-ce que t'aurais aimé que Ribéry soit là? Non, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il fout la merde? Ouais, un petit peu, on est mieux sans cas. Oh, il est rigolo, Ribéry. Vu la forme de jeu, on est mieux qu'on les garde. Oh, c'est vrai, on a une belle équipe. Ah, c'est vrai. Ah, Francky. Hein. Ah, ben, il regardera la télé. Franck Ribéry, il regardera la télé, ouais. Bah, il n'y a pas le choix, attends. T'es en forme, Francky? La pêche. T'es bienvenue sur Sky. On a passé un bon moment, on a tous rigolé, c'est l'essentiel. Eh bien, tu vas rigoler dans un instant. Le réveil de star, après Estelle Denis tout à l'heure. C'est Franck Ribéry qui s'y colle. Et votre horoscope de l'amour, il arrive dans une minute. Il est 8h44 sur Skyrock. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric sur Skyrock. Aujourd'hui, on parle du don de sang avec Richard. Alors Richard, toi t'as 18 ans et tu viens de donner ton sang. Comment ça s'est passé? Bah plutôt tranquille, c'est la première fois que je donne mon sang et franchement ça s'est super bien passé. Ça m'a pris 40 minutes et les gens étaient super sympas. C'est quoi qui t'a motivé à donner ton sang? Bah je sais que ça sauve des vies tous les jours et qu'il n'y a pas de médicaments pour remplacer le sang, donc je sais pas, ça me semble normal. C'est un geste super simple mais aussi super utile, alors j'ai pas hésité. C'est clair. Merci Richard. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Zone anti-vichère et chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive Gallo de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et c'est l'heure de l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Alors, l'horoscope. La puissance amoureuse de 0 à 5. Ouais. Bon, 0, c'est pas super du tout. Non, et 5, c'est le top. C'est la folie totale. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? 0. Eh ben, c'est pas super du tout ce matin pour les Verseaux. Ah merde. Et les cancers. Vous aurez du mal à trouver vos marques aujourd'hui. Rien vous déstabilise. Ayez confiance en vous, les cancers et les Verseaux. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Oui, ben, il en faut du. de la confiance. 1 sur 5, les lions et les vierges. Alors vous, vous plaignez un petit peu trop aujourd'hui. Même si tout ne va pas comme vous le voulez dans le domaine amoureux, soyez patient et vous verrez, ça ira mieux. 2 sur 5, les balances et les scorpions. On vous reprochera d'être un petit peu trop dans votre coin et de pas aller vers les autres. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, hein. Allez vers les autres et vous passez une bien meilleure journée. Oui. 3, les béliers et les poissons. Votre vie sentimentale vous donnera plein, plein, plein de satisfaction aujourd'hui. Dans la vie en général aussi, continuez sur votre lancée. Du positif pour vous aujourd'hui. 4 sur 5, les taureaux et les capricornes. Mais comme toi, Difool. En effet, Romano, on a 4, une très bonne note. Ça veut dire que nous sommes très séduisants, taureaux et capricornes. Énormément. Énormément séduisants. Notre force du jour, c'est qu'on ne lâche rien. Dans tous les domaines de la vie, on a la niaque. Tout ira dans le bon sens, surtout en amour pour les célibataires ou les couples. Même combat, super journée et encore une meilleure journée pour les sagittaires et les gémeaux. Vous, vous aurez le feeling. Pas besoin de calculer. Vous faites confiance à votre instinct et votre instinct vous amènera vers l'amour. C'est magnifique. C'était mon horoscope de l'amour de ce matin. J'ai que ça qu'à dire, moi aussi, Francky. Ah ben merci, Francky. Et dans un instant, le réveil de star, Franck Ribéry, s'y colle ce matin. Eh oui. Eh ouais. À 8h50 tous les matins, le réveil de star. J'ai que ça qu'à dire. J'ai que ça qu'à dire après Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Sur Skyrock avec Can't Stop the Feeling, encore un son découvert sur Sky, c'est même dans le morning. Le son de Justin Timberlake, premier passage en Europe en radio, c'était sur Skyrock. Skyrock, baby. Et il est 8h50, on est pile à l'heure. C'est pas souvent, ça fait plaisir d'être à l'heure. On va retrouver le réveil de star avec Franck Ribéry aujourd'hui. Car on voulait vous poser une petite question, on a le temps de faire un petit sondage express. À part l'équipe de France, pour vous, qui est favori de l'Euro? Dites-nous, les footballeurs, les footballeuses, dites-nous quelle est l'équipe qui pour vous pourrait être la plus dangereuse pour l'équipe de France. Facile. L'Allemagne. Alors, facile, Cédric. Moi, je dirais les Diables Rouges, les Belges. Les Belges. Je te jure, on va vous la mettre. Non, mais c'est vrai, ouais. Non, mais les Belges, c'est une zone de bon, ouais. Bah, faut déjà qu'on se rencontre. Hein. Oui, t'inquiète avant pas. De nous la mettre. À la finale. À la finale. C'est possible qu'on tombe un. Je sais pas, faut vérifier. Faut regarder, faut faire des calculs, tout ça. Donc, pour toi, les Belges, Cédric. Ouais. C'est bien noté, tu représentes ton pays, les toujours. Diables Rouges. Eh ouais. Eh ouais. Déjà, ils ont un super surnom. Oui, c'est vrai. C'est les Diables Rouges. Mais oui. Nous sommes les Diables Rouges comme des cornes. L'équipe d'Eden Hazard. Quels sont les favoris pour vous? Le Portugal avec Cristiano Ronaldo. C'est Porto CR7 qui nous laisse le message. Ah bah attends, Cristiano Ronaldo, il s'entraîne grave. Il est sur un yacht avec des potes. Donc, oui, c'est vrai. Il est en entraînement, mais intensif. Il va être tout bronzé pour l'Euro. Ah ouais, Cristiano. C'est clair. Ouais. Asko nous dit les Anglais. Pinkman nous dit les Anglais aussi. C'est vrai qu'on parle du renouveau de l'équipe d'Angleterre, là. Et les Allemands, non? Bah, j'ai des messages pour les Allemands beaucoup. Pour moi, c'est les favoris, les Allemands. Moi, j'aurais dit pareil que toi, Difou. Bah, tu t'y connais grave. Mais tu es grave, mais toi aussi Romano, je vois que tu t'y connais grave en football. Ouais, moi je dis pas n'importe quoi comme Cédric. Moi je dis l'Italie, moi. L'Italie, ils ont une sale équipe. C'est vrai? Bah ils ont pas d'attaquant. Hein. Ah ça c'est dommage pour jouer au foot. Bah ouais, pour marquer des buts surtout, c'est vraiment ça dommage. Ça va être compliqué, ouais. Est-ce qu'ils ont un goal? Ils ont un goal, c'est Buffon. Ah toujours? Ah ils ont un super goal. Ah oui, ça oui. Ah des meilleurs goals du monde. Gigi Buffon, le goal de la Juventus de Turin. Là. Pour pas essentiel, nous dit comme toi Cédric, la Belgique. Ah merci, merci. Ouais, l'Allemagne, il y en a pas mal. C'est bien parce qu'on va aller en Allemagne, on va retrouver Franck Ribéry là. D'ici quelques instants. L'Allemagne et la Belgique pour Jimmy. Il y a pas beaucoup d'Espagne. Pourtant l'Espagne, faut se méfier, ils sont toujours là. Hein. Espagne, si. Eh ouais, regardez Roland Garros les filles, c'est qui a gagné? Une espagnole. Olé, je crois. Hein. Ils ont de la bonne drogue en Espagne. Eh si, que dalle. Aïe aïe aïe. Non mais c'est vrai. Hein. Regardez Nadal, tout ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait la rumeur à un moment donné qu'ils se topaient tous, ces Allemands. Non, pas les Allemands, les, non, les Espagnols. Les Espagnols. Ouais. Les Espagnols. Eh ouais, on s'y perd. L'Euro démarre vendredi et on a encore des places à vous filer tout au long de la semaine. Oui. 200 places à gagner sur Skyrock. On va retrouver Franck Ribéry. Franck Ribéry qui adore du bon son. La preuve, écoutez-le. Rappelez-vous Franck Ribéry qui chante. Oh, Champs-Élysées. Ouais, non. Oh, Champs-Élysées. Parapalapam. Oh, Champs-Élysées. Elle connaît pas la suite des paroles. Bloqué. Ah, ça y est. Oh, mais ce qui est marrant, c'est que t'as l'impression qu'il est bourré, mais pas du tout. Non. Ah, il boit pas, il boit pas. C'est ça qui est terrible. Non, quand je disais qu'il écoute du bon son, je croyais que c'était SCH Champs-Élysées, parce qu'il nous l'avait fait, SCH Champs-Élysées aussi. Ah oui. Bon, ouais, Franck, il chante bien, Franck Ribéry. Eh bien, Franck Ribéry, c'est le réveil de star de ce matin. Allez. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Bonjour, Francky. Bonjour. Bonjour. Eh ben, Francky, ça va être à toi de jouer avec ta famille, là. Ouais, on va rigoler, Francky. Ah ben, on compte sur toi, Francky. Hein. Ah ben, ça, on compte sur toi. C'est parti, direction la famille de Richard. Allez. Richard, Franck Ribéry. Jacques Sacadir, est-ce qu'il va nous le faire? Ben j'espère. J'espère aussi, j'adore Jacques Sacadir. Jacques Sacadir. Oui. Allez, Francky, chez Richard, réveil de star. Oui, allô. Bonjour. Ouais, c'est qui? Je suis un peu le clown. Je comprends pas, hein. Was machst du? C'est quoi ça? Des équipes qui attaquent, il y a des équipes qui défendent, il y a des équipes qui attendent et. Je comprends pas du tout, là. On habite dans le même quartier. Oui. On essaie de se faire plaisir ensemble. Non, c'est du n'importe quoi, ça. T'es sympa dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est sympa, ouais. Je suis très content d'être nordiste. Ouais, ouais, ouais. Alors là, je pense que toutes les personnes du Nord sont chaleureuses. Non, je suis polonais. La pêche. Ouais, la pêche dans ta gueule, tu vas voir, ouais. Une racaille. Vas-y, continue. Faut prendre du plaisir. Ouais, bah je te dis, continue. On a passé un bon moment, on a tous rigolé, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et je pourrais dire que j'ai joué une Coupe du Monde avec Zizou. Ouais, c'est ça, t'as raison. Voilà, ça va faire 6 ans ici que je suis au Bayern. Au Bayern? Ouais. Bon allez, c'est suffit, hein. Où allez-vous? Tout le monde me connaît. Ouais, bah c'est bien. Je pense avant tout de bien penser surtout. Oula. Ouais, c'est ça. Viens, mais t'as un coup de fusil en pleine gueule. Je souffre d'une douleur à la fesse gauche. Ouais, en pleine gueule. gueule, tu sais ce que ça veut dire? Certaines choses, je comprends pas. Bon, ça continue, j'appelle la gendarmerie. Je sais pas de quoi tu veux en parler, comportement. Ah si, ça continue. Ah ouais, j'appelle la gendarmerie. Voilà. J'ai que ça à dire. Il nous l'a fait. Ouais. Merci Francky. J'ai que ça à dire. Super. Ouais, Francky. Voilà, Francky, les nordistes, des équipes qui attendent, des équipes qui défendent. Il est super, Francky. Ah, merci Francky. C'est gentil d'être venu réveiller les familles ce matin. C'était le réveil de Star avec Franck Ribéry. Ce matin, réveil de Star, 6h10, 7h50, 8h50. Ouais. Oui, c'est bon. Et c'est... Ah oui, c'est bon. Ah, c'est tout bon là. Il est 8h56 sur Skyrock. Ah, le zap du morning arrive. Et les places de foot, on en a plein à vous filer. On a enfin un petit point, tiens d'ailleurs, dans un instant. Vous bougez pas, restez bien sur Skyrock. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mister You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. Bon, pour ma voiture, j'aime... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigouolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpés dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont au lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformée en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, évitez de grignoter. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Cet été, jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de 2 pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça. Tu retires des euros pour aller à l'Euro? Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Jeu réservé aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Bonne journée sur Skyrock, il fait 17 degrés, on a du soleil ce matin à Paris. Lidl. Allô patron, c'est bon, j'ai la date. Mais quelle date? Eh ben celle du job dating de Lidl à Paris. Quoi? Ils recrutent encore? Eh oui, des managers de magasins le lundi 13 juin. Et c'est urgent, hein? Date limite d'inscription le 9 juin. Dernier délai. Quoi? Ça t'intéresse? Ben non, pas du tout. Il faut un bac plus 2 ou plus 3. Et moi, j'ai que le certif. Oh, c'est pas comme vous, patron, hein? Alors, date limite d'inscription le 9 juin pour le job dating du 13, c'est ça? Ah non, patron, pas vous. Oh ben non, là on est mal, hein. Oh, on est très mal. Postulez dès maintenant sur le site emploi.lidl.fr. Est-ce qu'on emmène les enfants au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studio? Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. Roule Raoul. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des 2 parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Yax, c'est l'appli secrète dont tout le monde parle. L'appli qui cartonne sur les stores. Tous les jours, des millions de Yax pour t'exprimer, te défouler ou juste te taper des barres. Rejoins le mouvement. Télécharge Yax, c'est l'appli incontournable. Lâche-toi, télécharge Yax, YAX. Le morning de Difool. Moi les shows. 6h, 9h sur Skyrock. Baby, I like your stuff. Grips on your way. ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Wait. Cause if you're down, cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est le morning de Difool. The morning show. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et il s'en est passé des choses ce matin. Dernière ligne droite du morning avant de retrouver Fred. Des places de foot à gagner. Et ben c'est tombé ce matin. On a offert des places tout à l'heure. C'était à 6h50. Ça peut tomber à n'importe quel moment du morning. Ah oui. Ce matin, on vous a offert Allemagne-Pologne. Et ouais, c'est pas fini. Ouais. Bravo, bravo pour les places. Qui c'est qui a gagné ce matin? C'était Mehdi. Ah oui, Mehdi, de Tourcoing, coin, coin. C'est ça. Bravo Mehdi, félicitations. On a offert les 1500 euros aussi, c'est tombé. Bravo à Elodie. C'est Elodie qui a gagné, elle y croyait pas tout à l'heure. Ouais. Mais oui, Elodie va partir en vacances. Ouais, avec Jamel, son mec, c'est mignon. Ouais. Voilà, on quitte Oyonnax et on file en vacances. Bon, plein de cadeaux qui sont tombés, l'écran plat aussi est tombé. Et puis une grande opération qui a été lancée ce matin, même hier soir dans la Radio Libre en exclu. L'opération J'ai une tendinite. Ouais. Merci pour les millions. Je dirais même les milliards de messages qu'on a reçus depuis, depuis hier soir. Vous vous mobilisez pour me sauver mon bras. Et oui, nous avons lancé l'opération ce matin, écoutez. Depuis le jeudi 2 juin, le relou est de retour. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il me semble que j'ai oublié un truc. Ton épaule. Difool a une tendinite. Là. C'est qui a une tendinite à part moi? Et ça gonfle toute l'équipe. Je suis paralysé du cou jusqu'au milieu du bras, en gros. Hein. Enfin, surtout Romano. Qui? Dis-moi toi. Bah, con, qui a une tendinite. Si vous aussi vous souhaitez réparer Difool, adressez vos dons au Difoolton. 37 bis rue Greneta, 75002 Paris. Versement de 50 euros minimum. Oh. Parce que racheter un bras de Difool, bah, ça coûte un bras. Je ne peux pas mettre de chaussettes. Et oui, oui, c'est très difficile. Vous savez que ça, c'est le drame. Je comprends pourquoi on a deux bras. Hein. Bah ouais, c'est quand même, ça sert. Enfin, j'ai galéré pour les chaussettes ce matin. Ah, c'est un mon truc pauvre. Et je croyais un truc pour les vieux, des amphi-chaussettes pour vieux, justement, qui ont qu'un bras. Faut m'en acheter. Bah, on va t'acheter ça. Mais écoute, merci Romano, un amphi-chaussette. Non, mais ça doit exister, ouais. C'est dur à dire, mais c'est bien pratique. Attends, je vais regarder immédiatement sur internet, je te trouve ça. Cédric, tu payes, parce que je n'ai plus de sous. Ah, mais moi non plus, j'ai plus de sous. Tu n'as pas un amphi-jean? Je vais essayer de te trouver ça. Et un amphi-t-shirt aussi. Il faudrait tout en fait. Bon, le zap du morning, c'est l'heure. Donc vous avez bien noté. Ah, c'est ça. Un enfil chaussette. J'ai un enfil bas à poignée. Oui. Je vais pas mettre des bas, tu me vois avec des bas. 11,50€. Sur une boutique, c'est pour vieux. Très bien. Merci Romano de ce temps. Non mais franchement, non mais sérieux, on va t'acheter ça. Oui, en puis fait, moi je vais m'acheter des bas pour pouvoir en mettre. Voilà. Des bas de contention. Oui, magnifique. Bon, le zap du morning, c'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Oh là là, oh là là, écoutez bien. Le zap du morning. Qu'est-ce qu'il y a Romano? Ah ben j'ai un petit truc à te faire écouter, tiens. Depuis le jeudi 2 juin. Le relou est de retour. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il me semble que j'ai oublié un truc. Ton épaule. Difool a une tendinite. Là. C'est qui a une tendinite à part moi? Et ça gonfle toute l'équipe. Je suis paralysé du cou jusqu'au milieu du bras, en gros. Hein. Dites voir, j'ai mon gamin là, vous savez, il fait la collection des petites pièces, les pièces rouges. 1, 2, 5 centimes d'euros. Oui. Oui. Est-ce que je pourrais vous l'envoyer? Je vais venir avec lui et vous lui donner. Ah, des petites pièces, moi j'en ai pas du tout. Hein. Ah, bah, donnez un billet, il fait la collection aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Allez, bonne journée. Moi, voilà. je passe à quelle heure? Ouais, demain. Voilà, c'est ça. Non, allez. Si vous aussi vous souhaitez réparer Difool, adressez vos dons au Difoolton. 37 bis rue Grenetta, 75 002 Paris. Versement de 50 euros minimum. Oh. Parce que racheter un bras de Difool, oh. Bah, ça coûte un bras. Je ne peux pas mettre de chaussettes. Et oui. Et ça, c'est le drame. Mon Difoolton est organisé. C'est bien ça. C'est gentil, Romano, d'avoir passé cette bande-annonce pour de l'argent pour m'acheter un bras. Alors pour le moment, bon, il n'y a pas. D'accord. Et t'inquiète, j'en ai détourné un peu, mais c'est bon. Alors, Clément. Qui dit vrai, qui dit moi faux. Je dirais Cédric Mito et Romano Info. Eh ben t'as bien raison, c'est et gagné, oui. Bravo. Bravo. Bravo. Ah, et vas-y, ouais, de gagner ouais. Ta télé Samsung, ta télé 4K, la Smart TV, la toute dernière Samsung, 102 cm, magnifique. 101. Ah bah écoute, avec moi c'est toujours plus fort. Ah bah, tu tires un peu dessus, ça sera 102. Ouais, ouais, voilà, eh ben c'est super ça, Clément. C'est super, au top. L'Ambassibar. Oui. Vous faites des petites soirées pour l'Euro, j'imagine. Oui, ça peut arriver. Oui, eh ben nous on va commencer à faire la soirée ce matin là. On est en préchauffe pour vendredi. Ouais. Je vais passer avec un copain et on s'est dit on a trouvé une combine pas mal. Il paye un verre et vous m'en offrez un gratuit. Ça ouais, on verra ça plus tard. C'est les happy hour. Allez, bonne journée. Allez, c'est l'euro, c'est la fête. Ciao. Tiens, je rote moi. Ciao. C'est l'euro. C'est l'heure de ta roulette, Mehdi, on fait tourner. Attention, elle est pour toi. France, allez, Roumanie, c'est vendredi, ça démarre, mais après tous les autres matchs, ils sont tous à gagner jusqu'à la finale sur Sky. Ouais. C'est bien, Mehdi, t'as envie de les avoir, tes places. Hein. Ah ouais. Eh bien, tu les as, deux places pour Allemagne, Pologne, Mehdi, c'est gagné. Super, super, du Skyrock. C'est la radio, tu es Elodie, toi, c'est ça? Oui. Oui, on est en direct dans toute la France, à la radio. On vient chez toi, à Oyonnax, ce matin, pour te poser une question. Si. Eh, non, si. Eh, si, si, si, si. Si, si, j'insiste. On te pose une question, il y a 1500 euros à gagner, Elodie. Ouais. Eh ben, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Ah, ben, c'est Skyrock. Ah, je le sentais. C'est bien, Elodie, t'as gagné 1500 euros. C'est des conneries. Mais non, Elodie. Ah, merci, franchement, merci beaucoup. Eh bien, franchement, merci à toi, Elodie. Elodie de Yona qui a gagné. J'ai entendu dans le Zap du Morning l'histoire de mon Difoolton, là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dons pour l'instant, Romano. Faut relancer un peu le truc, hein. C'est toi qui trésorier, c'est toi qui t'en occupe, hein. Bah, à vrai dire, il y avait de l'argent, mais il a disparu. T'inquiète, Difool, je mène l'enquête pour savoir qui est cette saloperie qui aurait volé l'argent. Ah oui, vraiment, ça c'est une saleté. Hein. Les gens qui sont comme ça, j'ai deux, trois pistes. Oui, j'en ai une, moi, en plus. Moi aussi, ouais. Je les garde. Très bien. Secrète. Non, parce que j'écoutais le Zap du Morning avec attention, ça m'a un peu inquiété de voir que le Difoolton avait du mal à. Non, mais on s'en occupe. Très bien. Bon, bah, merci à vous, en tout cas, pour cette belle matinée. On a bien démarré la journée ensemble. Super, il est 9h08. On va retrouver Fredo, là, tout de suite. Bonjour, mon Fredo. Ça va? Salut. Oui. J'ai une petite piste sur l'argent disparu. C'est vrai, c'est qui? Tu penses? Je pense que tout a été injecté dans la fabuleuse décoration du studio. Ah! Et attends, Fred, ce n'est qu'une partie. Oui, on a commencé à décorer le studio, oui. Ouais, ben bah, là, c'est un budget, hein, quand même. Ah, bah attends, ouais. Ah, on a mis des drapeaux, des chapeaux, des guirlandes de drapeaux, des mains bleu, blanc, rouge. Ouais, des mains qui se gonflent en bleu, blanc, rouge. Bah, c'est juste le début, hein. Préparez-vous. Et d'ailleurs, tiens, on a lancé un truc hier soir, même vendredi soir. Si vous voulez nous envoyer vos photos en mode supporter, on prend. Donc, vous nous envoyez vos photos, vos têtes, en mode supporter de l'équipe de France ou d'autres équipes d'ailleurs. Hein. Vous en train de regarder un match, vous avec des potes en train d'encourager les Bleus ou d'autres équipes. Vous nous envoyez tout ça sur l'appli Skyrock. Il y a un truc pour envoyer des photos. Ouais. Et on vous mettra dans le studio sur tous les écrans qu'on a de partout sur les murs. Vous serez avec nous pendant l'Euro et dans le studio de Skyrock avec toute l'équipe toute la journée. Oui, envoyez les photos partout. Hein. Ouais, partout. Vous pouvez l'envoyer sur Facebook aussi. En message privé, ouais. Message privé sur Instagram. Message privé sur Yax, message public. Eh bah oui, allez-y. Vous nous envoyez tout ça et on vous mettra dans le studio. Vous serez beau dans le studio. Hein. Ouais. On va vous mettre sur nos grands écrans vidéo. Ouais. Donc la décoration ne fait que démarrer, Fred. J'espère bien. Pour atteindre le summum. Le summum vendredi soir. Et lors de la finale, quand nous serons en finale. Ah ben là, ça sera la folie. Exactement. On se prépare pour la finale, c'est bien. Bien sûr. Bon, Fred, c'est parti. Urban Music Non-Stop, il est presque 9h10, donc on est à l'heure. Et on va démarrer avec quoi cette belle matinée? Avec Panda. Panda. La chanson du Panda. Très bien. On salue tous ceux qui sont en Fiat qui nous écoutent ce matin. Je me suis dit que c'était pas mal pour débuter. C'est bien. Eh bien, Panda pour démarrer. Et puis nous, ce soir, dès 21h, on est de retour. La radio libre de Skyrock, à ne pas louper.

babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Les gens dansent sur la moule, la ouest, les belles, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte claire. Bon, c'est sur l'air, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus utilisé l'air quand la ligne reste. Ungaté, appétit, moi je veux voir, je la moule à du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ungaté, appétit, Ungaté, appétit, appétit. Ungaté, appétit. Gatti, appétit, appétit. Gatti, appétit. On se marche la boule à tout Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatti, appétit. Gatti, appétit, appétit. Gatti, appétit. Gatti, appétit, appétit. Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. I'm his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. À l'instant sur Skyrock, rap, R&B en non-stop, ça continue. Et puis une petite pointe de dancehall aussi avec le son de Sean Paul qu'on va écouter maintenant, c'est Give It Up To Me. Juste après, il y aura Alonso des Psychiatres de la Rime. Le morceau Regarde-moi, ça arrive dans un instant, c'est extrait de l'album Avenue de Saint-Antoine d'Alonso des Psychiatres. Get all my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you and the key. Yo, because I then, for me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there, so back it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up. I'ma kick up and rock it up there. So what is up, yeah? You know you got the vibe in me. I to develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah. Rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, nigga, girl, watch how you look, nigga. When you steer it up, you know me, I feel measure up, yeah. For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I'ma see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Hey, pretty girl, so me love to see you walk. Can I have black English for the season when me a talk? This a one of familiar. Woman, you got me caught. You ever in a me thoughts and I left me in a the dark. In a the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip the switch, woman, I can turn it on. And give it a shot from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl. Girl, me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Up yeah, up yeah. Come on, drop it up then. Up yeah, so why can't you see? We are to be together, girl, don't front on me. I just wanna be next, so don't have no fear. Let me see you bring your body right over here. Because you should share it, girl, I care it. And I'm gonna give you love so clear. It's gonna make you shine and watch you are mine. We'll be rocking it until the end of time. For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Today, girl, then I'ma see tomorrow. When you fulfill my fantasy, cause you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you come today, girl, then I'ma see tomorrow. When you fulfill my fantasy, Cause you know I give you love, it's shit like a baby, hour. And you're gonna give it up to me. Yo, Sean Godfather, you know we are not yo. Yo, the SP and we day up on the go, yo. Sean Paul, Keisha Cole and Don Corleone. Our next chapter, yeah man, for all my girls, you know. Keep it, sexy. Skyrock, premier sur le rap. Go. AWA, the mafia, man. Souvent je me regarde. Je me dis comment j'ai fait. Ça paye pour 10 000 balles. Frérot, c'est pour de vrai. Ce qu'ils essaient de faire. J'essaie de l'oublier. Et là, je me sens volé. Joue pas l'auto. Non, je crois en mes roues. Je vous aime trop. Oh, là, je suis là-haut. Tout là-haut. Oh, je crois qu'en mes roues. Oh, je suis dans mon fil. Tout va bien. J'm'en bats les reins. Tout va bien. Vous êtes été ou quand moi j'étais en chien. Tu tout bien. J'ai fait le vide. Ouais. Maintenant, je fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à votre fille, je ne changerai rien. Je me sens bien. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ma famille, mes amis, ma putain de vie, mes ennemis, mes tourments. Merci ma go, elle me donne tant. J'suis love d'elle, mes défaites, mes victoires. Je me relève, serre-leur à boire. Y'a que dans tes rêves que tu me baiseras. J'ai des vrais frères, j'ai des vrais gars. J'ai un dressing, c'est une usine. Oui, j'suis rancunier et j'aime trop la sape. Là, j'suis sur scène, là, j'suis sur Mars. J'suis overbooké depuis des années. Faudrait plus qu'un son, faudrait plus qu'une vie pour t'expliquer par où on est passé. Hamdou, on est là avec tous mes zins. Arrête de jeter l'œil, tu vas t'aveugler. J'suis dans mon film, tout va bien. J'm'en bats les reins. Ou quand moi j'étais en chien. Tu t'oublies. J'ai fait le vide. Oh ouais. Maintenant je fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Regarde-moi. Ce qu'il y a dans mon compte, j'ai pas vraiment changé. Quelques zéros en plus. Charbonné, j'ai toujours charbonné. Dubaï, Miami, elle choisit, faut que je me repose. Mon fils grandit, je suis dans mon film, sur une île, je suis dans mon film. Regarde-moi, mes cicatrices me rendent charmant. J'oublie rien, je vous remercie. Public, ça fait longtemps. Appelle-moi Alonso Button, je rajeunis à chaque album. Je suis dans mon film. Tout va bien. Cousin, t'étais au camp. Moi j'étais en chien. Tu t'oublies. J'ai fait le vide. Oh ouais. Maintenant je fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Give me the thing, I made me rockin' at a dance. Give me the thing, I made me rockin' at a dance. Man, she don't like fire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. I know say I'm out, take me next, let my neighbor. Bon son, toujours devant ton PC ou devant ton écran Thompson. Wesh boy, tu veux du flow? Demande aux bonnes personnes. Donne pas tes fesses, ouh, tu vas te faire domso. T'inquiète Games, y'en a aucun qui te baisse. Je m'inquiète, ah, je ressens aucun suspense. Y'a des scores lourds, get comme je suis vif. Je l'ai déjà dit, moi je smack, je switch. Hey le môme, il faut y aller, mon osmon. Te mets des baffes avec le bras de mon esmo. Paris la nuit, hein, trop de tête, se drogue. Ça soit le check sous la tête, c'est la steak, c'est mort. Maître Gimso, bingo, je crois que j'ai le single. Je suis pas Jean Paul ni Kingston, je viens du Congo. La Gigo, Balton, papoté de gauche. Je suis qu'à 30%, mais y'a pas de problème. C'est le what type, ça sent la diva. Inconsciemment, ça sent le bif. Tu sens la diva, ça sent le bif. Mais qui t'a dit t'étais qui c'est qui veut du real hip hop? Ça vient de banan. Jetez-moi les poupées comme ça, y'a. Ça vient de banan. Excuse, je ne voulais pas dire ça. Ça vient de banan. Demande à Black Air. Everybody, let's go, come on, say. Na na na na na na na na. Yeah, yeah, yeah. Quelques watts, c'est pour sur le tech. Non. En quête non. De mon flow, ma tech. Dis-moi pas. Anec. Non. Sans deck, de mon assurance flow, la famille t'inquiète. Aye. Quelques watts, c'est pour sur le tech. Arrête. En quête de mon flow, ma tech. Tu mens. Anec. Mais ouais. Sans deck, de mon assurance flow, la famille t'inquiète. Ah, ah, ah. Qui a dit que les blondes étaient toutes des connes? Toutes des connes. Toutes des connes. Qui t'a dit que je serais Claude aussi, je quittais l'école? Yeah. Quittais l'école. Quitter l'école. Wesh mon Suisse, quoi de neuf depuis Whaty Bonhom? Rien de space, ah si, on est sur le podium. Aïe, c'est du bon job, personne peut le nier. Grosse casse d'air.